Metro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Rétro Nouveau, épisode 97. Ça va bien, yeah, les gars? Yeah. Oui! Mais hein! Ça fait comme deux épisodes spéciaux back-à-back, là. Ouais. C'est vrai, ça. Tous les épisodes sont spéciaux. C'est vrai, ça. C'est tout le temps. Ça, c'est bien dit. Ouais. Merci, tous les Mario. Moments qu'on passe ensemble, eh ouais, c'est toujours spécial. C'est la seule fois dans notre vie où quelqu'un dit c'est spécial puis que c'est bien. Normalement, quand on dit « Hey, c'est spécial, spécial », ça veut dire que c'est de la merde. Il est spécial, lui. Oui, c'est ça, il est spécial. Tout il est dans l'intonation. Il louche. Oui, c'est vrai, ça. Fait qu'à soir, gros spécial de Pac-Man. Ben oui, ben, ça, par surprise, on fait Pac-Man. Oui. On fait pas Megaman. Non. Pas, c'est vraiment Pac-Man. On est rendu là. C'est cool, on est rendu là. Puis ça va être intéressant. Oui. Ouais. Beaucoup. Ah ouais. Parce que finalement, je me dis, on aurait peut-être dû faire Megaman parce qu'il y a peut-être moins de moins jeux. Moins de stock. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a des jeux comme c'est pas possible, Pac-Man. Là. Plus ça... qu'on pensait. Fait que ça va être pas mal de fun. Ça va être très intéressant. Ouais. Écoutez ça, puis regardez aussi les gens, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup d'images. Exact. Beaucoup, beaucoup, puis beaucoup de chocolat. Plein de bonheur. C'est dans Pérus, ça, c'est pas ça. Oui, c'est sûr. C'est très anal. C'est méta, référence. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on avait ça, mais JF, t'avais deux petits trucs avant qu'on commence. Deux trucs avant de commencer. Premièrement, merci à Jean-Philippe André pour son généreux don. En fait, la semaine passée, après le podcast, nous a fait une belle donation par PayPal. On le remercie énormément. Mais oui. Thumbs up. Oh! Puis l'autre truc, tirage cette semaine. Oh! On fait tirer le jeu Alan Wake sur Xbox One. Quand même. Ce n'est pas un gag. Merci à JF Gagnon du podcast Radio Enfer, un podcast de métalleux. Merci, JF. Radio merci Enfer, beaucoup. Man. C'est-tu hot comme nom? C'est carré. Je ne l'ai jamais écouté, moi, dans le temps, mais je sais que le monde trippait là-dessus. Ouais. C'est vrai. Là, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé ça, mais ouais, moi aussi. Dernières années, c'était plus aussi bon. Comme toujours. Donc, la question, la question pour Alan Wake, quel est le nom du développeur du jeu Alan Wake? Donc, vous allez sur retronouveau.ca/tirage et vous répondez là-dedans. Vous avez une très semaine simple. Pour répondre. Très facile. Facile, facile au bout. Quand même, là. Fait que c'est ça. Puis moi, j'aimerais revenir très, très, très rapidement. On a fait un épisode spécial entre les deux Retronouveau... normaux, finalement. Oui. On a fait un épisode spécial, moi puis JF, sur la Switch. Ouais. Il y a un épisode nouveau, ouais. Nouveau. Ouais, il y a un épisode nouveau, nouveau. Mais sérieux, merci. On a comme eu un flow incroyable de bons commentaires. Puis les gens ont vraiment embarqué. Puis, moi, j'ai adoré. Ouais, c'était propre. J'ai moi, vraiment aimé ça. Puis, ça j'en dirais peut-être pas être là. Pour des je suis pas full là-dedans, tu sais. J'apprenais des affaires, tu sais, c'était livré avec bonne humeur, précision, ouais. Intelligence. Exact. Il y avait des affaires que vous n'aimiez pas aussi, tu sais, puis c'était bien livré. Non, c'était vraiment très, très, très complet. Merci. Vraiment le fun. Ouais, puis bel job visuel, support. Là. C'était... Moi, j'ai appris plus à Switch dans cet épisode-là que la présentation. Ben oui, là, c'est clair. En fait, c'était vraiment fort. Là. Un parfait résumé. On l'a vraiment décortiqué. Mais tu sais, moi puis JF, en plus, tu sais, on a voulu... On voulait prendre ça relax en plus. T'sais. Ouais, on voulait prendre ça relax. On voulait prendre ça relax, puis après ça, quand on a ans. Commencé à checker ça, c'était comme juste avide de connaissances parce que tu viens de dépenser 500$ sur une machine. Fait que tu sais, tu veux en savoir plus. Là, tu veux. Fait que non, c'était vraiment le fun. C'était très cool de faire ça avec JF. JF. Ben oui. Quand même, une voix radiophonique. Je m'en vais pas pire. Tonnerre. En faisant 92 podcasts par mois, je prends de l'expérience. C'est ça, ouais, c'est ça. Le métier est rentré. Ouais, c'est ça, exact. Puis non, c'est ça. Ça a été vraiment le fun. Merci beaucoup de vos commentaires. Puis c'est ça. Peut-être une prochaine fois, ben, on va être plus. Mais là, c'était tough. Ouais, c'était tough pour tout le monde semaines, avec des familles. Puis tout ça, c'est vraiment rushant pour tout le monde d'être là. Surtout quand c'est ça, quand moi j'arrive à la fin, on devrait faire un spécial, puis là, c'est ça, c'est un peu dernière minute, là, fait que... Faut vraiment savoir que dans la dynamique de groupe, tu sais, on chatte sur une base assez régulière, ouais. Bruno a tout le temps une idée, « Hey guys, on fait une affaire, là, Bruno a beaucoup on ramène Rétro Nouveau TV, tu sais, hey, j'ai une idée, gars, j'étais dans ma douche, puis tu sais, faudrait faire ça sur le show, tu sais, puis... Nous autres, on est « Ah! » Ouais, ça c'est quand même. Ouais, ça pourrait être cool, là, tu sais. Moi, je dormais, j'avais prévu de dormir ce soir-là, mais on pourrait peut-être couper, tu sais. On va le faire, tu sais. Puis JF est même plus capable de répondre, fait qu'il y a juste une image, un screenshot de lui qui dit fuck non. Qui renvoie tout le temps, screenshot. Ouais, c'est malade. Fait qu'en tout cas, merci de vos commentaires, on va en faire d'autres, puis on va garder ça, cette idée-là de faire. des épisodes à l'extérieur du Rétro Nouveau dont vous êtes habitué. On va couvrir les nouvelles quand il y a des choses qui se passent. Ouais, ou, c'est ça exactement. De temps en temps, on va en faire. On a comme un petit plan là, dans le pipeline, moi puis JF. Fait ça va rester dans le flow Rétro Nouveau. Ça va être des épisodes du podcast, mais ça exact. Va être juste spécialement nouveau. C'est ça. Voilà. Recouverture complète de la Ouya. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est et ça. Comment? Ouais, c'est ça. On enquête ah, là-dessus. Ouais, chaque jeu de la Ouya, les 17, vous allez en parler. Décortiqué. Ouais. Petit jaune différente. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on va embrayer là-dessus. Yes. Parce ouais, on a mieux d'y aller. Du pain sur la planche, les gars. Beaucoup là. De pain sur notre grosse planche. Beaucoup de pain. Puis on passe ça direct avec toi, Dom, qui oui. va nous parler de l'historique de Pac-Man. Ouais, je vais faire un petit wiki historique de Pac-Man. assez léger, assez rapide. Jean-François, oui, tu peux y aller avec l'image numéro 1. Donc, Pac-Man a été développé par Namco. C'est sorti au Japon en mai 1980. Et puis, ça a été licencié. C'est ça qu'on dit en français, licencié. Ouais, ouais. License. Pourrait... Ben, license, ça serait. Pas publié. Que... Publié. Ouais, ben, c'est éditeur, en fait. Ouais, édité. Ben, ils ont pogné la licence. Ils ont pogné la licence. Voilà. Midway a pogné la licence aux États-Unis en 1980 aussi, mais en octobre. Distributeur. Distributeur? OK, OK. Fait que, image numéro 2, ça a été développé par un employé de Namco qui s'appelle Toru Iwatani. Il y a une équipe de 9 qui a travaillé là-dessus. Puis, bon, le jeu est basé sur le concept de manger et le titre original du jeu, c'est Pac-Man. Et puis, c'est inspiré de la phrase onomatopique japonaise Paku Paku Taberu. Paku Paku, ça décrit le son d'une bouche qui ouvre puis qui ferme. Ah, c'est ça. Mais genre en japonais. C'est comme si toi, tu dis « miam, miam ». Ben, tu sais, au Japon, ils disent « paku, paku ». Fait que c'est « pac, pac », ça vient de là, là, tu sais. Assez malade. Image numéro 3. Iwatani a souvent répété que l'inspiration de la forme de Pac-Man vient d'une pizza dont il manquerait une pointe. Mais il a aussi dit en 1986, il a admis quand même que c'était une demi-vérité, puis ça venait aussi de la forme simplifiée et arrondie du caractère japonais kushi qu'on voit ici à l'écran. Oh, ce ouais. caractère-là veut dire une bouche. Fait que là, aye, ce aye. Caractère-là est pas mal un carré, tant qu'à moi. Fait que le quand t'arrondis un ouais. carré, ça fait un rond. Ça fait un Pac-Man. Aye, aye. Je trouve ça crissement boiteux. il a dit ça un moment donné, puis le monde a pris ça pour du cash. Fait que, image numéro 4, Iwatani voulait rejoindre une audience plus large, plus de filles dans les arcades. C'est pour ça oui. qu'il a voulu incorporer des éléments d'intelligence. Là, ouais. Comme un labyrinthe. Des patterns et puis des petits fantômes qui ont pour que ça parle aux chicks. On en voit ici à l'écran, là, jeunes ouais, ouais. et moins jeunes et adorables femmes des années 80 à shorts courtes, taille haute, très à la mode, très à la mode. C'est les cheveux, là. Ouais. Fais-y des beaux cheveux, puis on est en plein dedans. Image numéro 5, le concept de manger puis gagner du pouvoir, tu sais, comme quand tu ouais. prends une super pastille. Ça revient, il a volé ça à Popeye, dans le fond. Quand Popeye, l'arcade Popeye, quand il prend son, ses épinards, ouais. là, tu deviens comme invincible, puis tu peux puncher plus tôt, puis il meurt. Ouais. Fait qu'il a volé ça là, le jeune. Et puis, image numéro 6, le nom du jeu pour l'Amérique, c'était Pac-Man, en référence ouais. à une puck de hockey, tu sais, les petites pastilles. Mais Bally, qui est une division de Midway, qui s'occupait des usines, tout ça, ils ont décidé de changer ça pour Pac-Man. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît pas mal tous. Là. Faut pas ouais. qu'il y ait des vandales dans les arcades qui changent le P pour un F et que ça fasse Pac-Man. Fait que, on voit ici un cabinet de Pac-Man ouais. japonais et un cabinet de Pac-Man américain totalement différent. Mais même de loin, tu pourrais te dire c'est Pac-Man. Ah ouais, là. Assez facilement là, pour les esprits, même très peu ligne. Tordus. Ouais. Puis ils ont aussi augmenté le niveau de difficulté pour les Américains. Ah, fait que si tu joues à Pac-Man, comme à l'exposition Game On qu'il y a eu dans le vieux oui. il n'y a pas longtemps, il y en avait une, puis c'était supposément plus facile. Oh ouais, ouais. Le contraire m'aurait... J'aurais eu pensé. T'sais, j'aurais pensé que ça aurait été le contraire. Exact, moi avec. Okay. Mais non, c'est nous autres les tough, man, wow. pour Pac-Man pour une fois. Colin. Image numéro 7. Le succès de Pac-Man en Amérique a pris les distributeurs totalement par surprise. Les pousseurs de crayons et les exécutifs ont vu Pac-Man dans les trade shows, tu sais. Mais ils ont passé à côté. Puis ils ont passé à côté de Defender aussi. parce qu'il se disait que le jeu, le killer app de cette année-là, ça allait être Rally X qu'on voit à l'écran présentement. Et puis, Rally X a été un jeu quand même populaire d'arcade, également disponible sur les cassettes 260 in-one et tout ça. Le petit char là, qui loge la boucane, et puis c'est bien swell. Mais bon, ça passe pas l'histoire, ce jeu-là. Moi, personnellement, ça me fait pas capoter non, de plaisir. Non, c'est ça. Fait que, voilà, ils ont fait le saut en tabarnache. Ils ont vraiment passé à côté. Et puis, là, j'ai plus d'image. Quand Pac-Man est sorti, les jeux les plus populaires, c'était des space shooters, comme Space Invaders puis Asteroid. Ouais. Pac-Man a dépassé Asteroid comme le jeu le plus vendeur en Amérique du Nord, avec plus de 1 billion en 25 cents en un an. 1 billion. Fait que fait x 4, ça fait 4 billions de 25 cents. C'est lourd en destin. Ouais, donc 4 milliards en fait. Millions, c'est milliards. Ah ouais, c'est ça. Je le savais. Ça fait bien de Lost in Translation. Puis ça l'a même dépassé les revenus du film Star Wars. Wow. Fait que Pac-Man est aussi un des jeux vidéo qui a rapporté le plus de tous les temps, avec 2,5 milliards en 25 cents là, au cours des années, dans le fond. Puis là, on compte même pas la merch et puis bon, tout ce que c'est devenu la c'est franchise. Ça. Mais Pac-Man, la machine, c'est en milliards là, le succès là-dessus. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun film qui a fait un milliard avant Titanic, ça se peut-tu? C'est toi le spécialiste des films. Ça serait vraiment toi que j'irais voir pour ça, là. Je pense que c'était Titanic, premier film. Le Titanic. A passé un milliard. Peut-être quelqu'un va nous corriger dans le chat, mais... Colin. En tout cas, c'est un film de James Cameron, ça, c'est sûr. Hey, Titanic. Pas une marde à Zack Snyder, hein? Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Embarquez pas là-dedans. Moi, j'ai aimé Watchmen, tu sais, j'étais full emballé. Puis là, Mario, il dit que c'est la pire merde au monde. C'est quand là, même... Mario, il connaît les films, fait que je me dis, c'est pas intelligent. C'est quand même son meilleur film, là. OK. Mais c'est parce qu'il a juste calqué à BD. Ouais. C'est tout ce qu'il fait de toute sa carrière, c'est juste calqué. Mais on fera un spécial Zack Snyder à un moment donné. Là. Ben oui. Bon. Il va juste être un long pet. Bon, fait que c'est ça, fait que on va partir ça avec les jeux. Puis on va commencer avec le premier, mais Dom a dit tellement d'affaires déjà que j'aurais peut-être pas tant d'affaires que ça à dire. Pas grave, on part. Mais il y en on a part beaucoup. Pareil. Il y en a beaucoup. Fait qu'on part direct au début avec le premier jeu qui est Pac-Man. Pac-Man, c'est 1980. C'est sorti sur pas mal tout, en fait, ce jeu-là. Là. Au départ, c'est un jeu d'arcade, mais après ça, à peu près toutes les consoles qui existent. Puis même. Ben, c'est Atari en premier qui ont réussi à acheter les droits de le faire. Et ça coûtait très, très, très, très cher. Ah, pour le 2600. Là. Et puis après ça, ben. J'imagine que ça s'est dilué et tout le monde a pu le faire là, assez sans problème. Ouais, exact. Mais c'est Atari les premiers là, qui ont investi pour. Qui ont fait le deal avec Namco pour faire combien ça. À pièce. Ouais, mais tu sais, j'ai à mentionner qu'on en parlait tantôt offline. C'est vraiment un port tout croche. En fait, c'est même pas un port, c'est un recode en fait du jeu original. Ouais. C'est un dude tout seul dans son sous-sol qui a eu un temps très limité pour faire ça. Todd Fryer qui a fait plusieurs autres jeux à Atari. Ouais. Puis. Je pense pas qu'il était dans son sous-sol, par exemple. Ouais, écoute, que... non, il était chez Atari. Il était chez Atari. Mais quand même, ça a l'air de ça, tu sais. C'est pas un jeu de qualité. C'est probablement la pire version de Pac-Man qui existe, tu sais. Ben, il y a eu plein de problèmes avec ça. Là. Les fantômes, ils ont pas le choix de clignoter à cause que la machine est pas assez forte. Puis il a fallu qu'ils refassent tout. Ben, tu sais, vraiment... ça ressemble pas au Pac-Man, tu sais. Puis juste. En fait, si tu regardes au niveau de ce qu'Atari pensait, il pensait en vendre 12 millions. Ils en ont jamais vendu plus que 7. Ouais. Fait que, tu sais, ça a fait un trou dans le budget quelque part. Là. Ça quand doit être même. Enterré quelque part comme E.T. à un moment donné. Ouais, ça a été enterré avec plein d'autres affaires là, dans le temps, effectivement. Et les reviews étaient très mauvais dans les revues. Il y avait des revues de gaming dans ce moment-là aussi. Puis tout le monde détruisait le jeu, là, tu sais. Ouais. Fait que, bien sûr, eux autres, quand ils ont annoncé ça, ils ont même fait une semaine ou une journée Pac-Man, tu sais, avec les mascottes, la Pac-Weekend, puis tout. Ils ont beurré en tabarnak. Ah ouais. Tu sais, c'est Pac-Man arrive chez vous, dans votre salon, le Colin. Classique d'arcade. Là, le monde, il pense que ça va être pareil comme l'arcade, puis oh shit, ça a mal été. Ouais. Mais ils ont quand même fait des tonnes d'argent avec ça à cause des précommandes où genre le monde achetait sans checker. Puis ton dude qui l'a programmé, man, il a fait du cash en tabarnak. C'est royalties. Là. Parce que ça, il n'y avait pas de démo dans ce temps-là. 7 millions comparé à des ventes de jeux aujourd'hui, c'est quand même... C'est quand même bon. C'est quand même bon, là. Énorme, là. Encore aujourd'hui, là, t'sais, des gros titres, là, ils vont aller chercher... Ben, mettons, je parle pas Grand Theft Auto qui va vendre 20 millions, là. Mais tu sais, mettons, des jeux comme un triple A normal, tu sais, tu vas aller vendre 2 ouais, à dog. 5 millions, là, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est déjà très bon. Fait que ça, c'était pas mal bon. Le problème, au fond, c'est qu'Atari en produisait trop. Ouais. Ouais. Comparé à ce qui était vendu. Exact. Puis c'est de là que, finalement, le crash s'est produit, mais sur plusieurs années que tu fais cette pratique-là. Le crash était déjà pas mal entamé, tu sais, puis ça, ça l'a vraiment pas aidé avec d'autres moves très douteux de la gestion chez Atari, tu sais. Mm. E.T. avec, ça a fait très mal, bien sûr. Mais ce qui a surtout fait mal, c'est le marché. C'est le marché qui était inondé de machines. Ouais. N'importe qui se partait une machine puis avec des cartouches. Ouais. N'importe qui. Là. Fait que le monde ne savait plus quoi acheter. Il y en avait partout. Ouais. Ça a vraiment fait une bulle et puis ça a éclaté. Là. Ça a fini par éclater. Bon, fait que... Fait qu'on continue, Bruno, avec tes jeux. Ben, sérieusement, c'est pas mal ça. La seule affaire que j'avais à part de ça, parce que tantôt, on t'a parlé de Toru Iwatani. Puis ce gars-là aussi est responsable pour Pole Position. Ah ouais, en fait, un jeu que j'ai joué pas mal. C'est plus gros jeu, c'est QTQ, Pole Position, puis Libble Rabble. J'ai jamais joué à Libble Rabble, j'ai aucune idée de quoi que c'est. Puis c'est ça, au départ, c'était comme tu dis, c'était développé par Namco, puis c'était distribué par Midway aux States, mais ça va chier ça plus tard. Oh, ouais. Puis c'est ça, ça s'en vient. Je passe la balle à Nick. Ouais, c'est de même ça va marcher, vous passez. C'est de même ça va marcher, on se passe on la. Switch, ok. Fait que moi, là, je sais rien. On arrive. Switch. Hey, Switch? Oui. Ah! Manqué mon timing. Alright. Fait que là, tout ça a commencé en 1980. On se reporte en 1981. Puis il faut se rappeler, c'est quoi le marché de l'époque? C'est des arcades. Des propriétaires d'arcades, on en connaît. Tu sais, c'est du monde un peu crasseux qui veut juste faire plus de cash. Exactement. Yes. Puis tout ça a donné le fait que. Tu sais, Namco travaillait sur un autre jeu de Pac-Man qui va devenir Super Pac-Man, mais ah ouais. Il voulait, tu sais, le monde en Amérique du Nord voulait plus de Pac-Man. Fait que là, il y a une petite compagnie, genre, qui s'appelait Computer Corporation, General Computer Corporation, qui ont décidé de travailler sur des kits de hack, tu sais, qui se vendaient, puis tu pouvais comme hacker ta Pac-Man, t'achetais le kit, tu hackais ta Pac-Man, puis elle devenait un jeu qui s'appelle Crazy Auto. Fait que c'est quoi ce qu'on voit là? Non, ça c'est en fait c'est Miss Pac-Man. Mais Crazy Auto, dans le fond, c'était juste une modification du jeu original, mais pour faire plusieurs choses intéressantes. Il avait rajouté un petit peu de. Ouais, ça c'est Crazy Auto, vous le voyez. Ça a vraiment l'air d'un gros clone, tu sais. C'est bien drôle. Puis ce que ça a introduit, Crazy Auto, c'était vraiment un petit peu plus. Il y avait un élément random dans les fantômes, en fait, qui n'était pas dans Pac-Man original. Fait que si tu mémorises Pac-Man original, t'es capable de le faire. Tu peux pas faire ça à Miss Pac-Man. Faut que t'apprennes le behavior un peu plus, puis tu peux essayer de l'anticiper. L'autre chose que ça a donné, c'est des tableaux différents. Donc, tu sais, Pac-Man, c'est le même tableau que vous allez faire 256 fois, tandis que ça change. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle variation, super belle évolution. Puis donc, c'est ça... Quand que, ça, c'était-tu légal ou ça? C'était des bootlegs? Ben, c'était pas vraiment légal parce qu'eux, ils faisaient des genres de kits de bootleg. Puis ils sont fait pogner avec Missile Command, en fait. Mm-hmm. Eux, ils ont fait le bootleg de Super Missile Command. Ils ont perdu en cours contre Atari. Là, ils se sont dit, ben, on a Crazy Auto. Là, on peut plus vraiment le vendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cogner à la porte de Bally Midway. Puis on va leur vendre. Eux, ils ont tellement aimé ça. Puis ils se disaient, tu sais, Namco, Japon, ils produisent pas de jeux. Ils voulaient avoir des nouveaux jeux. Fait qu'ils ont dit, on le prend, on change le sprite. Puis on va le publier, tu sais, comme le sequel à Pac-Man. Wow. La suite. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, quand tu parlais de démographie féminine, ben c'était vrai. Ça a finalement vraiment pogné avec les femmes. Puis ils se sont dit, comment on pourrait faire encore plus d'argent avec les femmes, tu sais. Ils m'ont dit, ben Krim, on va faire une. Une femme. On va faire une femme Pac-Man, tu sais. Puis elle a eu plusieurs noms, tu sais. Ça a déjà été Pac-Woman, Mrs. Pac-Man, Miss. Miss... Fait que tu sais, ils ont accroché avec Miss Pac-Man, mais c'était plus court, ça sonnait mieux. Donc, tout ça a eu pas mal de succès, en fait. Le monde. Fait que Miss Pac-Man est né d'un hack. Exactement. D'un third. Puis les deux sont allés le vendre. Exact, tu sais. Puis là, plus tard, il y a eu une petite chicane au niveau des royautés entre Bally Midway, tu sais, puis General Computer Corp. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que finalement, la cour a tranché que ni un ni l'autre avait les droits, puis ça a été ramené à Namco. Fait que Namco, genre, mort de rien, tu sais. Wow. Ils ont rien fait, puis ils ont eu les droits. Fait qu'il y a vraiment une histoire intéressante d'un super bon jeu qui est né de façon douteuse. Donc, quand même, hein? Ouais, et voilà pour Miss Pac-Man. Super intéressant. Moi, Miss Pac-Man, c'est ma meilleure machine à Arcade Montréal. Ah ouais, c'est vraiment fun. C'est pas mal le meilleur Pac-Man, je trouve. Moi, je trouve ça plus dynamique que Pac-Man. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il y a plus de stock. Là. Exact. Et nous autres, on l'a boosté, est boosté en fait. Et il va beaucoup plus vite. Ah oui? Il va très vite. OK. C'est pas la vitesse normale chez Arcane Montréal. Oh. C'est pour ça que le monde est capable de faire des gros scores là, très facilement et que ta game est longue. Sinon, ta game est pas mal moins longue. Ah ouais. Fait que ça rajoute un petit quelque chose. Puis quand t'es pacté, la vitesse devient normale. Ouais, c'est ça. C'est fait pour ça. Tous les jeux sont prévus pour des gars pactés. Ouais, c'est ça. Pacté pour quand Pac-Man. T'es chaud, tout Pac-Man, fait du sens. Malade. One. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Nick, dans le fond, je te dirais, tu sais, juste de nommer les jeux qui viennent ensuite. Moi, je reprends la balle aux prochaines images. Ouais, ben écoute, c'est-tu Professeur Pac-Man? Non, c'était Pac-Man Plus qui est sorti après ça. Liste, excuse-moi. Ensuite, 82 Pac-Man Plus. Encore 82 Super Pac-Man. Ça, qui lui était le, marre, le, mais qui était la suite officielle de Namco, tu sais. Ouais. Et en 1982, Baby Pac-Man que Bruno va vous présenter. Exactement. Ça, c'est fucké, ah oui, ça c'est. C'est vraiment vraiment fucké. Puis j'ai eu bien de la misère à le comprendre parce que je connaissais pas ça ce jeu-là. Baby Pac-Man, ce que c'est que c'est une machine qui est hybride. C'est moitié arcade, moitié machine à boules. Ça a été développé par Bally Midway complètement. En fait, t'as un écran de 13 pouces au-dessus d'une machine à boules horizontale en dessous. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est un émulateur en fait qui recrée l'expérience, mais c'était une vraie machine à boules. Le développement de la machine n'était pas autorisé par Namco. Bally Midway ont décidé de sortir la machine anyway, puis Namco ont annulé leur relation avec eux. Il existe 7000 cabinets dans le monde. Peut-être pas encore, mais ils en ont fait 7000. Puis c'est ça, en fait, comment qu'on joue à ça, c'est qu'on commence en vidéo en haut, on contrôle Baby Pac-Man comme dans Pac-Man, puis il y a deux tunnels vers le bas qui permettent de se rendre à la section pinball. La section pinball, c'est une section traditionnelle, on frappe les cibles avec la boule en fait, en utilisant les flippers, puis on peut gagner des items pour la section vidéo dans la section pinball. Si la balle tombe dans le trou, le joueur est renvoyé dans la section vidéo, puis le joueur doit se faire attraper par un fantôme pour réouvrir les chutes. Fait qu'en fait, il faut que tu crèves si tu veux que les chutes se rouvrent encore pour avoir une game normale. Ce qui faisait que tu n'avais pas le choix de remettre des 25 cents à tout bout de champ. Fait que c'est vraiment, moi, c'est un concept que je trouve hallucinant puis vraiment weird. J'ai jamais vu ça, en fait, auparavant. Moi, hein? Je n'avais vu une de André Gagnon de Arcade Moissa. Le pianiste? Non. Bon, je connais pas les pianistes, là. Mais non, mais André Gagnon, c'était un pianiste populaire qui dansait à côté de son piano quand on était jeunes. Ouais. Nos parents connaissaient ça. Moi, mes parents écoutaient Super Écran. Puis, ah, c'est une chanson. Puis, Moi, je suis trop jeune. J'ai pas connu ça, le Parc Belmont. Mais c'est ça, André Gagnon de Arcade Moissa, qui est un dude qui répare des arcades. Ah, ben oui. C'est lui qui s'occupe des arcades du McFly, entre autres. Il en a réparé une dernièrement. Il avait mis des photos sur sa page et puis il m'en a parlé un peu puis c'est bien compliqué. Ah ouais. C'est pas simple du tout réparer ça, mais il avait ça là devant lui, c'était vraiment hot. Aïe aïe. Tu étais capable de la réparer? Ça doit, supposément, aïe, aïe. Oui. Alors, bah, ça a l'air complexe en tabarnouche. Ça doit coûter cher en temps. Moi, c'est sûr que je mettrais pas une scène là-dedans. Là, j'aurais bien trop ça. Ça doit être un gouffre financier, ça, une machine de même aujourd'hui. Là. Tu veux pas qu'elle pète. Fait que c'est ça. Sinon, par la suite... attends un peu. Excusez, c'est parce qu'on a tellement de notes. C'est à toi, Nick. Professeur Pac-Man. C'est oui, le segway. Donc, Professeur Pac-Man, c'est important de voir tout de suite les images. Okay? Ouais, je te mets ça. Tu sais, Namco a essayé un paquet d'affaires. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit... ben, ça, c'était pas Namco. C'était encore un autre clone, en fait, non autorisé. C'est un jeu, ils se sont dit, ben... On pourrait prendre la popularité de Pac-Man pour rendre les enfants plus intelligents, tu sais. Fait que c'est un jeu de quiz, ni plus ni moins. Puis en haut, t'as Pac-Man qui mange... T'sais, plus longtemps ça te prend à répondre, t'sais, moins t'as de points, t'sais, dans un sens. Fait que t'sais, c'est vraiment intéressant. Très, c'est très psychédélique comme. Ouais. Oh, le design n'a aucune intégrité. T'sais. On dirait qu'il y a 4 jeux dans un au niveau du look, t'sais, l'aspect. C'est vraiment un jeu de Commodore 64, ben, random, ouais, là, que ça... t'as à l'école, en fait. Ouais, mais c'était sur quelle machine ça, on le sait-tu? Je pense que c'était arcade aussi. C'était arcade. Voyons donc, arcade de ça. Fait que c'était vraiment très étrange. T'sais. Ça aussi, c'est un autre truc pas autorisé, mais. Il est super intéressant parce que, regardez ça, là, tu sais, des Pac-Man qui fait des clins d'œil. Puis, les couleurs de ce jeu-là, tu sais, ils ont pas d'allure, là. Rien qui va ensemble. Mais c'est vraiment un. Il y en a pas mal de trucs étranges dans Pac-Man, mais lui, c'est un des tops, tu sais. Ça n'a aucun rapport avec la franchise, mais tu sais, bon. Mais tu le vois qu'il fallait qu'il sorte plein de machines parce qu'il fallait profiter de. du momentum, tu sais, c'était là que ça pognait. Exact, tu sais, puis il fallait milquer la patente. Exact, tout à fait. C'était comme une énorme vache à lait que tout le monde voulait traire. Donc, ça s'en est, tu sais, vous l'avez vu, vous l'avez entendu parler. Moi, j'avais jamais joué à cette affaire-là, je savais même pas que ça existait. Mais bon, oui, ça existe. Alors, vous l'aurez vu. Chaque fois, c'est chevreuil de bout de même. Mais en fait, c'est prêt à se faire blower. C'était épouvantable. Ouais, ben c'était peut-être ça si tu payais plus. Quelle animation. Tu sais, genre, mets des 25 sous, puis ben bon. Il y avait un petit trou à l'avant du cabinet. Ouais, ouais. Ça, ensuite, 1983, il y a eu Pack and Pal. Ouais. Puis ensuite, on passe... Pack and Pal. Ouais. Pack and Pal. Ça, c'était pratiquement la même affaire qu'un Pac-Man. C'est juste qu'il y avait d'autres personnages. Puis c'est pas... Ouais, je pense qu'il y avait des clés puis des affaires que tu ramassais. Ouais, dans ce jeu. Tu ramassais plus d'items. Il y avait ouais. ça aussi, des clés puis des cochonneries. Mais là, on passe en 83 à... Junior Pac-Man. Oh, au 2600. Ouais, ça, c'est un... Ah, il est dur, ce jeu-là. C'est un jeu d'arcade de Bally Midway encore qui a été fait sans l'autorisation de Namco. Fait que Bally Midway, ils ont vraiment fait les voleurs, là. Ils sont au Japon, anyway. C'est rien qu'à pas répondre au téléphone. Exact. Ouais, c'est ça. Si ça, ça parle japonais, tu raccroches. Ce qui est intéressant, en fait. Si tu vois du japonais sur l'afficheur, réponds pas, hostie. En 83, tu sais. C'est ça. Acceptez-vous un collect call du Japon? Non. Fait que c'est ça, là-dedans, c'est le même principe que Pac-Man, sauf que le défilement est à l'horizontale. Fait que ouais. ça, c'était quand même pas mal. C'est gigantesque. L'équivalent de trois écrans, c'est quand même cool. Puis ah ouais. Le port d'Atari 2600, par contre, il défile à la verticale, ouais. contrairement à celui d'arcade. Moi, je l'ai essayé celui-là, puis je le trouve vraiment excellent. Là. Le rythme est moi, j'y ai joué, un petit pas peu si plus rapide, je trouve. Man, j'ai trouvé ça dur. Là. C'est vraiment dur. Je me demande si j'ai réussi le premier niveau. Tu sais. Ah, c'est, ça se fait. C'est gigantesque. Ouais, c'est là. Ça. Ben, c'est parce qu'en fait, tu le vois pas venir non plus, parce que l'écran, il défile pas si bien que ça. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas évident, mais ouais. ça joue, c'est le fun. C'est un beau, moi, j'avais un beau souvenir d'arcade de ce jeu-là quand ouais. j'étais un enfant, tu sais, puis ça m'est resté, puis j'avais rejoué après en émulateur. C'est, oui, il est tough quand même, tu sais, mais il est le fun, tu sais, il amène oui. quelque chose d'autre, tu sais. Prochaine fois qu'on est chez nous, on joue à ça. Ouais. On ouais. va lui redonner sa chance. Exact. Pendant quelques minutes. Ouais. Fait que... Après, ouais. ça, après ça, on s'en va à Pac-Land avec Nicolas. Ouais, 1984, Pac-Land, en fait, Namco était tout excité. Il avait travaillé sur un nouvel engin de jeu. Ils ont dit, il faut faire un jeu avec ça. T'sais. Fait que là, ils ont fait Pac-Land, qui est comme un side-scroller, jump. T'sais. C'est très beau visuellement pour l'époque. Ouais, regarde, il y a beaucoup de couleurs. Puis ça scroll ça vraiment tire, vite. T'sais. Puis ça, c'était. T'sais, dans le fond, là, le look and feel, là, c'est comme un poupée bout de chou, endless scroller, vraiment mieux. T'sais. Ouais. Mais. C'était quand même... C'était intéressant, mais tu sais, ça n'a pas eu le succès escompté. Puis c'est quand même un peu bizarre de dire, tu sais, quand tu as joué au Pac-Man, là, tu vas avec ça. Puis ça, c'est plus l'image du Pac-Man, du comic book, puis de... Ouais, ouais, comme, ouais c'est genre de cartoon. Exact, tu sais, fait que c'est cartoony, ça n'a pas vraiment rapport. Tu dois juste... tu sais, si vous avez déjà joué, pensez un peu à Adventure Island. Ouais. Tu ouais. promènes, tu t'en vas à la fin, tu finis le tableau, tu sais. C'est vraiment très semblable. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Adventure Island. Ouais, ouais, ben, comme type parallèle. De jeu, là, fait que... Tu sais, vous pouvez penser, c'est ça, ça n'a pas rapport avec Pac-Man, ça a introduit quelque chose de nouveau. Je pense que c'était une prouesse technique, là, vraiment, pour le scrolling là, qui était seamless, vraiment très bien. Là. Mais à part ça, tu sais... Mais il n'est pas bon, c'est, jeu, là, non, c'est pas vraiment là bon, aussi, sa cassette 260 jeux au NES, ouais, là, ouais. c'est d'essayer. L'essayer, mais là, ouais. ben, c'est moins clean là, que ça. Là. Mais, en fait, je vais en parler tantôt, mais au fond... ce jeu-là est basé sur la première Pac-Man The Animated Series. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait qu'on voit... On il voit le look là aussi au TurboGrafx 16 qui doit être vraiment très arcadesque. Là, comme ouais. ça. Et je tiens à mentionner que malgré que les jeux de turbo ils montent beaucoup et que ça coûte très cher, c'est pas mal très abordable. Celui-là, il monte complet en boîte pour 20 piastres. Oh, allez. Personne veut ça. C'est épouvantable. Pauvre Pac-Land. Ah ouais. oh. Mais graphiquement, moi, quand j'étais tombé là-dessus, sur la cassette, ah ouais. mais j'étais... Tabarnak, des grosses maisons, des grosses... Ouais. J'étais comme un dessin animé. Ben c'était oui. super impressionnant. Mais no love non, c'était plus impressionnant que Mario Bros. Dans un c'était sens. C'était plus impressionnant là, que Fun. oui, c'est bien plus beau que le Fun, ce jeu-là. Puis, ça a été ressuscité dans Smash Wii U comme ouais. un stage, puis ils n'ont rien changé graphiquement. Là, ah ouais. Les personnages super bien faits, puis en arrière, t'as les... oh, oui. c'est des maisons de couleurs ouais, pastel qui défilent. Ah, c'est-tu que c'est hot, ça? Puis, c'est malade. C'est tough combattre dans ce stage-là, ça défile quand même... Ouais. Moins rapide que le jeu original, mais. Ben, ça, c'est rapide de même quand tu cours, quand tu fais vraiment une run, parce que normalement, là, tu le fais en marchant, tu le fais pas mal plus à cette vitesse-là. Ouais. Ça a l'air d'un jeu d'un Simpson qui jouerait Bart, là, tu sais. Ouais. Des fake games, ça a l'air d'un faux jeu, tu sais. Ouais, c'est pas. En tout cas, puis il en est pas à sa dernière peine. 1987 à l'arcade, il y a eu Pac-Mania. Pac-Mania, c'est la grosse différence, c'est que là, il y avait une vue isométrique. On simulait du 3D, ce qui était quand même assez révolutionnaire dans ce temps-là à l'arcade. Aussi disponible sur la cassette 260. Ouais. Aussi disponible au NES tout nu, tout seul, séparé, comme par Tengen. Moi, j'ai joué, puis c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Et puis les niveaux, je trouve ça beau. Oui. Le petit deux épaisseurs de tuyaux là, qui font comme le labyrinthe, je trouve ça joli. Non, c'est super beau. Puis en plus, une des affaires qui fait que ça fonctionne si bien ce jeu-là, c'est qu'en fait, Pac-Man, il est tout le temps fixé au centre de l'écran. C'est l'écran qui... Ouais. L'écran bouge, c'est pas Pac-Man qui bouge. T'as bien raison, t'as bien raison. Puis l'affaire particulière de ce jeu-là, tu peux jumper. Oui, ça change toute la game. Ah oui, c'est ça. Pac-Man saute par-dessus les fantômes. Ben oui. Mais attention, il y a des fantômes qui sautent. Ouais. Des fois, tu sautes d'avance, puis là, tu... Ah, le calice, il saute, il voulait me pogner. Exact. Il y a un fantôme que tu peux pas sauter par-dessus. Je ne sais plus c'est quelle couleur, par exemple. Ah, ça doit être le brun. Mais c'est ça pour Pac-Mania. Il est le fun, ce jeu-là. Il est vraiment le fun. Moi, je le conseille au monde. Je sais pas s'il est bien cher sur NES. Là. C'est Tengen. Ça doit valoir 20$. Tengen. Ouais, un petit 20$. Aussi cher que celui complet, que Pac-Land complet. 20$ loose au net. Sealed. Signé, tu sais, par le créateur. Il vient te le porter chez vous. T'as un remboursement possible. En une journée ouvrable. Arigato gozaimasu. Ouais, c'est ça. Donne tarte au sucre avec ça. Ouais, ouais. Paco. Nick, en 93. Ouais. Fait que là, il faut se ramener en 93, là, la folie Tetris. Tout le monde lance un puzzle game, tu sais. Ouais. Exact. Et Namco ont flairé la bonne affaire et ont sorti Pac Attack, qui est quand même. Oh, attends une minute. Oh, je me suis trompé complètement. Bon. Excusez, je me suis trompé dans mes notes. Ok. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Excusez. L'écran, titre m'a un peu fourré. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est comme un peu comme un column. Tu sais, c'est Tetris-like. Mais tu sais, dans le fond, t'as comme des espèces de pièces avec des fantômes. Ouais. Puis ton but, c'est de les aligner pour être capable d'à la fin lâcher Pac-Man loose, puis qu'il puisse descendre puis manger ces affaires-là. T'sais. Fait que c'est une bonne twist, c'est intéressant. Ouais. Moi, ce jeu-là, je vais être là, je regarde, là, je comprends fuck all. Là. Ouais, ben regarde ça. Là, faut que tu descendes ton Pac-Man pour l'aligner pour que tu sois capable de manger fantôme. Okay? Ouais. Fait que j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là avant. Je pense qu'il y a eu un succès vraiment mitigé, pour ne pas dire nul. Là. Mais tu vois, comme là, il a pas fait une bonne run. Là. Il reste des, fantômes. Non, fait que ton but, c'est de clairer toutes les fantômes, dans le fond, plus que les pièces de puzzle. Fait que, mais c'est quand même une twist intéressante. Ça a l'air pas pire. Sérieusement, à deux jeux-là, c'est écœur. Ouais, mais j'ai vraiment le goût de jouer. Puis c'est un jeu que j'ai complètement manqué à l'époque. Mais bon, c'est ça. C'était l'époque folle des puzzles. Et, mais celui-là, moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que quand tu joues à deux, même si ça fait vraiment souvent que tu joues, ton cerveau, on dirait qu'il réapprend sans arrêt à toutes les fois que tu as une nouvelle pièce qui tombe. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué avec Tetris et avec ce genre de truc-là de match tree, genre, là, un peu comme... voyons, Colin. Colin. Ouais, Colin, mais le jeu de Yoshi aussi. Là. Ah, Yoshi's Cookie? Ouais, Yoshi's Cookie. Fait que c'est ça. Fait que bref, c'est vraiment bon si vous avez l'occasion de l'essayer. On peut jouer surtout ça sur à quoi? Deux. Ben, je sais pas pourquoi, mais il me semble que j'ai joué à ça à Arcade Montréal. Ah, je suis persuadé qu'il l'avait. Arcade, définitivement, mais je sais pas, j'ai pas regardé quel console. Mais il l'a au Genesis, entre autres. Ah, okay. Puis il l'a sur Super Nintendo. Ah, ouais. Ouais. Comment ça s'appelle? Bon. Pac-Attack. Pac-Attack. Pac-Attack. Puis il est sorti aussi sur mobile, si je me trompe pas. Regardez ça. Des dernières années. Sinon, après ça, en 94, sur Super Nintendo et Genesis, il y a eu Pac-Man 2. Ouais. The New Adventures. Ça vole pas haut, ça, non plus. Ça, là, ça c'est de la merde. Mais c'est beau. Oui, ben c'est une aventure de type un peu point and click, un peu platformer, mais c'est plus, ça va plus chercher dans le point and click que le platformer. Juste pour vous donner une idée du style de mission, dans la première mission, tu vas chercher du lait pour ton enfant. Génial. Ton kid, il braille, puis là, Miss Pac-Man est comme « Ah, c'est-tu Pac-Man? » Puis là, ben il s'en va chercher du lait. Wow. Puis il faut qu'il avance. En fait, les solutions des puzzles dépendent souvent des moods de Pac-Man qui changent dépendant de ce qui se passe dans son environnement. Là, il arrive dans le tabarnak. C'est le gif que je t'ai envoyé aujourd'hui. Ouais, je savais pas d'où ça venait. Je découvre ça en même temps que toi. Puis c'est ça, si les fantômes arrivent, il faut que Pac-Man mange un Power Pellet pour devenir Super Pac-Man puis pouvoir les battre. Moi, j'ai ce jeu-là, je l'ai essayé en émulation, puis sérieusement, là, dans le premier niveau, tu te décourages, puis t'es vraiment désespéré. C'est mal fait, c'est mal exécuté. On comprend absolument rien de ce qu'on doit faire. Ça a l'air weird, il y a un slingshot en bas. Oui, puis c'est aussi à cause que, tu sais, le curseur qui est là, t'as l'impression que tu peux le bouger tout le temps, mais en fait, non. Tout bouge tout seul. Okay. Puis là, à un moment donné, le curseur, il peut s'accrocher à quelque chose, puis là, comme, ah, tu peux toucher à ça. Fait que là, tu pèses sur ton piton, il se passe quelque chose, c'est... C'est même super lui, long. C'est long, j'en regarde ça, man. C'est assez beau, par exemple. C'est coloré. Oui. A Day in the Life of Pac-Man. Ouais. Ça, c'est un autre c'est jeu. C'est comme un dimanche, genre. Qu'est-ce qu'il fait Pac-Man le dimanche? Ouais, ouais. C'est un autre jeu sealed, ça, que le créateur vient de porter avec une tarte aux cerises qui vaut 20$. Ah ouais. Sorry. Disponible au Super NES. Je veux juste montrer aux gens, on va essayer encore, le Pack Attack est disponible au Super NES. Ouais, c'est ça. C'est un bon jeu, Pack Attack. Quand même. Aussi, en 94... Donc, La pochette, je la vois, là. Je l'ai, là. Tu l'as, là? Tu voulais voir, Mario? Tout de suite après, en 94, sur Super Nintendo, il y a eu Pack in Time, qui est un platformer. On vous présente pas des images ce soir, mais c'est un platformer qui est quand même un petit peu plus intéressant que l'autre, sans être révolutionnaire. Après ça, il a fait son album Gangster Rap, Packing Heat. Pour ceux-là qui comprennent pas le slang de gangster, de packer du heat, c'est quand t'as du heat sur toi, du heat, c'est un gun. Fait que quand tu packes du packing heat. Pack. On est très street. C'est street en tabarnak. C'est ghetto. Le monde de Tedfeld va comprendre parfaitement. Ghetto nouveau. Ghetto nouveau. Tout le monde pack du heat à Tedford. C'est clair. T'as pas le choix. Ouais. Pack-tu du heat, man? Si tu rencontres un ours, il faut que tu... Je pack heat. Des grandes routes. Ouais. Fait que là, on arrive en 1996 avec Pac-Man. Hey, on s'en va. Je m'en vais au cégep l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ça avance vite. Nirvana est bien populaire. J'étais en secondaire 2. Pac-Man Arrangement. Jeans déchiré. Même... Hein? Jeans déchiré. 96, c'est comme post-grunge. Là. Ouais. On est rendu dans Weezer. Ah, t'es à la fin, là. Pinkerton, il était pauvre. Non, moi, ça continue pareil. Okay, des Power Rangers. Fait que là, ce jeu-là, il est vraiment intéressant parce que c'est comme un peu... Namco a voulu rebooter Pac-Man après toutes sortes d'affaires à essayer, dont ouais. les affreux jeux qu'on vient de parler. Fait que c'est vraiment un peu... c'est comme un peu une vue isométrique, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus proche du Pac-Man original. La particularité, c'est la façon dont on fonctionne, là. Tu te promènes puis t'es comme un peu lousse dans ce labyrinthe-là, la façon dont ça tourne les coins, tu sais. Mais c'est vraiment cute, visuel, tu sais. Beau petit jeu, tu sais. Tu peux pas jumper. C'est vraiment un retake classique de Pac-Man, mais plus joli. Un arrangement. Ouais, un arrangement, tu sais. Puis on voit ici la double barre, tu sais, semble être un thème récurrent, là, les espèces de côtés de labyrinthe. Ouais, ouais. C'est très joli. Moi, ça me fait penser à un genre les de pipes. jeu de Neo Geo... des petits jeux clean, là, vraiment, là, du 16-bit de luxe. Là. Puis, finalement, ça s'est retrouvé en arcade, puis il a été aussi distribué dans certains Namco Classic Collection Volume 2, que vous pouvez retrouver, je pense, Xbox, GameCube, etc. Fait que dur à trouver en console par lui-même. Je pense qu'il n'a peut-être même jamais été distribué. Mais vraiment le fun, vous voyez des petits twists. Il y a du turbo, là, des flèches. Oui, c'est ça. Ils ont rajouté des petits éléments du gameplay. Toutes les petites dots, les bounces là, dans l'écran. C'est ça. Ça fait dynamique. Ouais, puis lui, je l'ai réessayé en émulateur pour le besoin du show. Puis vraiment le fun. Là. Honnêtement, là, regardez, tu sais, tu pognes une canne. Ben, tu sais, il y a des affaires, il se transforme en cadeau, puis c'est vraiment un peu plus psychédélique. Là, il y a une pilule, qu'est-ce que ça va faire? Oh, man, double Pac-Man. Ouais, regardez, fait que... C'est donc bien hot. Mais c'est vraiment le fun. T'sais, parmi les jeux obscurs de Pac-Man que vous connaissez pas, lui, c'en est un. Ça a l'air pas pire. Il est vraiment fun, tu sais. Fait que ça s'appelle Pac-Man Arrangement, sorti en 96. Fait que trouver ça, ça vraiment là, j'étais surpris. Mais là, il décidait enfin de faire ce qui marche, genre ben, améliorer ouais, l'original. C'est ça, exact, tu sais, d'aller vers un. C'est vraiment un. C'est l'équivalent d'un remake HD de l'époque, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Que... Ah, c'était HD. C'était HD en tabarnouche. Fait qu'ensuite, il y a eu. Un autre jeu qui est sorti dessus, après. Mais on a tellement de notes, comme Bruno disait. Pac-Man ouais. VR. Pac-Man VR. Ouais. On n'a pas d'image, oh Bruno. T'as-tu Non, il n'y a pas d'image, mais je l'ai vu. Mais de toute façon, ça se transmet un peu mal en visuel comme ça. C'était juste que tu mettais un casque, puis partout où tu tournais, ben dans le fond, tu avais comme la vue de Pac-Man à l'intérieur du maze en 3D cheap des années 80. 90. C'est ça. 90, c'est vrai quand même. Quand même. Mais c'était pas incroyable. C'est, le nom dit c'est quoi. Ouais. Okay. Ça a pas l'air d'être quelque chose qui est prisé vraiment comme jeu. Là. À l'époque du film Le Cobaye, tout le monde voulait faire virtuel. Le Cobaye. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. Puis sinon, par la suite, en 99, on était rendu sur le PlayStation. Oh. Ah, là, ça, là. Là, c'est le là, on atteint des nouveaux fonds. Là. Ah ouais, là. Là, ça, c'est Pac-Man World. C'est le premier platformer 3D de Pac-Man. Ah oui. Puis le jeu est sorti au 20e anniversaire et le début du jeu se passe durant son anniversaire où Pac-Man découvre que les membres de sa famille ont été kidnappés. Hey, c'est méta. Par check ça, il est en métal. Là. C'est pas en tout comme Mario. Ça, c'est drôle, check. Ils sont kidnappés par Tuckman. Tuckman, c'est le méchant. Puis Tuckman est en fait Namco à l'envers, qui est une division de Namco. Ah ben, carré. Fait que tu vois, ils font des beaux petits gags. Encore pis, plus méta. C'était quand. Moi, en fait, ce jeu-là, j'y ai rejoué. J'ai joué à l'époque. Je l'avais bien aimé. C'est un bon petit platformer 3D. C'est sûr que c'est pas les platformers de maintenant. Là. C'était le début des platformers, mais il était quand même bien. Il était coloré. Il y avait des mondes de pirates. C'était le fun. Puis c'est ça, au départ, le jeu était supposé inclure Dig Dug, Mappy, Valkyrie et Sandra de Xandra's Great Adventure. Ça dit rien, ça. Puis c'est aussi... Ça aurait été hot, par exemple. Ouais, ça aurait été hot quand même. Puis ça a été l'introduction d'un grand moment, le Butt Bounce, qui est en fait le même move que Mario fait. Ouais. Mais eux autres, ils avaient donné un nom vraiment, c'était le Butt Bounce. C'était ça qui était écrit dans le booklet. C'est tellement copié sur Mario 64, cette affaire-là. Ouais, c'est exactement. Pareil, là. C'est la même affaire. Puis il peut maintenant lancer les boules jaunes aux ennemis, chose qui est différente parce que d'habitude, il les mange puis là, il les garoche. Fait que c'est quand même un bon jeu. C'est un jeu aussi qui est sorti sur le Game Boy Advance, puis le port était quand même assez intéressant. Fait que moi je recommande ça au monde quand même. Si vous avez un PlayStation 1 ou vous voulez jouer en émulation ou jouer sur votre PS4, PS3, c'est un bon petit jeu là, qui se tient très bien. Ah. Eh ben. Sinon, par la suite, excusez-moi. Ben là, on arrive en 2000. On arrive en 2000, hein. Miss Pac-Man Maze Madness en 3D. Oh oui. Ça, dans le fond, c'est un jeu que PlayStation, N64 et Dreamcast. Puis, on revient encore à un Pac-Man, tu sais, sur une grille, là. Cette fois, c'est une vue polygonale et c'est des polygones. Fait que c'est du 3D qu'on voit, là, tu sais. Ouais. C'est correct, tu sais, je dirais, c'est pas un mauvais jeu, là, tu sais, c'est très, c'est l'air du temps, là, tu sais. Ouais. C'est un jeu qui était très fun à l'époque, vous allez rejouer, il va peut-être être un peu moins le fun, mais c'est pas si désagréable, tu sais, ça bouge un peu bizarre, peut-être pas assez rapide pour des fans de la série, là, mais, tu sais, c'est plus un jeu... un peu plus stratégique, là, moins action que les autres Pac-Man, moins arcade. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas un des pires jeux. Là. Mais, tu sais, je vous dirais, commencez pas par ce jeu-là. Non. C'est le fun à l'essayer. Vous pouvez l'essayer de toutes sortes de façons. Ça bloquait des murs. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même une vue. C'est du 3D quand même. C'est de la 3D quand même, c'est ça. Ouais, fait que des fois, il y a des petits trucs au niveau des contrôles qui n'étaient pas parfaits. Là. Comme vous voyez, ben, là, c'est un genre de maze. De... Là, ouais, c'est tu ça, pousses des blocs, tu ramasses des clés, ouais. Tu sautes à des places. Un peu plus élaboré, là, mais ça reste... Ah, on dirait qu'il y a trop de textures, il y a trop de stock. Moi, ça me tape ses mains. Ouais, ben, en tout cas, comme je dis, c'est un jeu qui, à l'époque, Moi, j'avais essayé Dreamcast, c'était bien. Mais j'ai pas eu le goût de le réessayer là, en regardant les images. Là, non, t'sais. Vraiment pas. Mais en tout cas, c'est pas le pire de la série. Là. T'sais, ça reste puzzle maze orienté, donc t'sais, vous pouvez trouver votre compte. Oui, en effet. Mm. Sinon, yopé, après, c'est la même coupe qu'il fallait qu'on nomme ouais. avant que je fasse mon autre. Pac-Man Adventure in Time. Oui. C'est le prochain, en 2000. Exact. Il y avait-tu quoi à dire celui-là ou c'était non, juste il n'y avait pas vraiment de quoi à dire sur celui-là. Adventure in Time, même que je m'en rappelle plus. C'est-tu un jeu éducatif? Non, c'est pas un jeu éducatif. C'est pas ouais, Mario's aussi, Time Machine. Ouais, mais sinon, après ça, t'avais Adventure in Time. Puis sinon, t'avais... Excusez. 2001, Miss Pac-Man, Quest for the Golden Maze. Oui. Ça, ben c'est ça, justement. Miss Pac-Man, Maze Madness, a quand même pogné puis qu'il en fasse d'autres par la suite. Ouais, ça devait être dans le même genre. Puis Pac-Man All-Star, c'était une compilation, si je ne me trompe pas. En 2002. Exactement. Puis c'est ça. Sinon, par la suite, en 1999... sont tombés dans le même panneau que tous les autres. Fait que pour GameCube et PS2, ils ont fait un jeu de party à la Mario Party. Ah ouais. Quelle horrible idée. Le jeu présentait aussi des personnages de Namco. Fait que c'était tellement inintéressant de les voir dans cette dans ce look-là. Il y avait Astaroth de Soul Calibur, Heihachi Mishima et Tiger Jackson de Tekken, puis Raiko Nagase de Ridge Racer. Wow. Ouais. Tous ces jeux, c'est des franchises récentes de Namco, puis ouais. Les vieilles qui ont voulu mettre ensemble. Puis tu sais, en même temps, c'est parce que comme personnage, c'est pas super intéressant. Jeff, t'avais pas non, des c'est images quoi, de ça? Ça a pas rapport avec Pac-Man. Non, le prochain que j'ai, c'est Pac-Man Fever. Ben c'est ça que je parle. Excusez. Ah, c'est pas ça le titre que t'as dit, Bruno. 99. Ouais, c'est ça, j'étais comme... Ah, excuse-moi. Ah ouais, ça ressemble à Mario Party. Lève-le. Avouez que ça vous tente d'en jouer. C'est un cute Astaroth. Ouais, un cute Astaroth. Hé, moi, quand je vois ça, des images de même, j'ai tellement pas le goût d'y revenir là. C'est vraiment dégueulasse, c'était tout comme délavé, même les belles couleurs sont délavées, tout croche. Fait que c'est ça, c'est un jeu de party, j'ai joué, c'est horrible. Les contrôles étaient Pac-Man, vraiment pas bons. Les autres, man, sont zéro oui. intéressants là. Tu sais, puis Astaroth, je pense que ça aurait été peut-être le seul que tu voudrais voir. Il aurait pu mettre Jin, là, quelque chose. Astaroth, man, le plus violent. C'est drôle t'sais. Que c'est ça, hein, tu sais. Il est violent, il est habillé en curry. Il est borderline ben sadomaso, ouais. tu sais. Ouais. Puis ils l'ont fait comme... Il a sa grosse... Ah oui, c'est un peu garde. Ça, c'est la fille de Ridge Racer, tu sais. Ah ouais, ça a juste l'air de semi-beach ouais. Beachwear là. Aïe aïe. Miss Pac-Man. Quand t'as, quand t'as personne dans ton équipe, man. On dirait la Caroline, on dirait les Hurricanes. Les pauvres Hurricanes. Wow. C'est dégueulasse. Le jeu a reçu des reviews épouvantables. T'sais, ça a vraiment été un désastre hey, pour eux autres. Terrible, ça. Ça a vraiment pas pogné. Ça a vraiment pas marché, puis avec raison. C'est de la merde. Fait que sinon, après Pac-Man Fever, il y a eu Pac-Man World 2, donc c'était la suite du platformer 3D qu'il y avait eu sur PlayStation. Il y a eu Pac-Man Versus, qui est un jeu de Pac-Man, mais de compétition. Puis c'est là qu'on est rendu. Après ça, on s'en va à la pause. Oui, et comme c'est un spécial Pac-Man, c'est une pause de 12 minutes uniquement de publicité de Pac-Man à travers le temps. Oh, wow! Donc, on vous laisse ça intégral pour vous revenir dans une douzaine de minutes avec la deuxième partie des jeux. Lâchez pas. Paka paka. Ça n'a pas paru du tout que c'est une coupure pour le montage audio, ça, hein? Pas tout. Oh, c'est... Yes! Ah oui, fun fact! Le retour des fun facts! Oh yes, on l'attendait depuis longtemps. Faisait un petit bout, j'en ai 5 fun facts. On vous, est comme tout resté. C'est quoi le c'est quoi, c'est quoi cette musique-là? Ok, c'est ça. Fait que 5 petits fun facts sur Pac-Man. Oui. Premièrement, concernant Toru Iwatani, ce gars-là était engagé chez Namco en 1977, puis lui, il avait aucune formation en design ou en programmation, puis il avait aucun intérêt pour celui qui avait été engagé pour travailler sur des machines physiques de pinball. Okay. Puis finalement, il a fini par travailler sur des paddle games inspirés de Breakout. Fait que les jeux s'appelaient GB en 1978, Bumby et Cutie Q. Je pense que Bruno parlait de ça tantôt, Cutie Q. Oui, Cutie Q, c'était son jeu. Donc, il y a une équipe en dessous de lui, mais c'est pas lui probablement qui a tout développé ça parce que le gars avait aucune formation puis aucun intérêt même dans les jeux vidéo. Lui, c'est les pinballs qui l'intéressaient vraiment. Là, ah oui. Ce qui est drôle, là. Justement, on parle du gameplay. Le gameplay et les fantômes ont été inspirés par un comic book. En fait, ça a été inspiré par des comics de deux comic books, premièrement Casper, ça j'ai pas besoin de montrer d'image de Casper, on sait tout. L'autre, c'est un manga japonais nommé Obaki no Kyutaro. Tu me corrigeras sur mon accent nippon, Nick. Ah, c'était beau, c'était beau. Ouais. Qui veut dire un fantôme. Excellent! Obaki no Kyutaro, qui veut dire un fantôme qui aime voler de la nourriture. Puis j'ai une image ici de ce comic-là, en fait. Ah, ouais. Un voleur. Fait que c'est de cette série-là que c'est inspiré, Pac-Man. Ah, oh, ben, toi. Hey, ça, c'est beau. Fait qu'on reconnaît un petit avec peu. Avec des enfants avec la face tout croche. J'aime celui en bas à droite, il est comme. C'est mini face style, là, tu sais. Les bouches, là. Ah, et puis le perv en arrière à gauche, ouais, c'est malade. Les grosses babines, puis. On dirait. Ah, ouais. Ça fait penser à Yo-Kai Watch. Ouais. Aussi, aussi. Fantôme qui fait. Ah, Yo-Kai Watch. On dirait le condom, un peu, là. Ouais, c'est un peu ça. Pas que je vais être vulgaire pour être vulgaire. En bas à gauche, un condom qui fait des œufs. On va se le dire, ça ressemble à ça. Ben, c'est parce qu'il y a le crâne brillant. Ouais. En plus, il est très lustré. Il y a l'autre en arrière qui mange des ramen, mais il est triste. L'oiseau surpris. Il mange sa solitude. Il y a aussi le chien sans expression. Lui, ben moi, c'est comme... ça. Il y a l'oiseau là, meurtri en haut. Là. Il est comme... Fuck is this? La face du chien ressemble à la manette de la Switch. Ouais, c'est vrai. Voilà, je l'ai mis. Oh! Hey, beau lien. Voilà. Donc, c'était ça l'inspiration derrière Pac-Man et les fantômes. Troisième fun fact, Pac-Man est un des premiers jeux avec une cutscene dedans. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, c'est vrai. Souvent, entre les tableaux, t'as un écran où tu vois Pac-Man chasser les fantômes en plein écran. Ouais. Iwatani, lui, voyait ça comme une genre de pause café puis un moyen séduisant d'amener le monde au prochain niveau. Puis les développeurs se sont battus contre lui vraiment pour ne pas le mettre parce qu'ils disaient « Ça donne absolument rien au jeu de mettre une cutscene comme ça. » Puis finalement, ben, c'est Iwatani qui a gagné. Ben, c'est de même que tu peux prendre une gorgée de coke. Ben oui, une gorgée de bière chez Arcade Montréal. Ben oui, exactement. C'est vrai, c'est le temps. Là. Mais c'est vrai, c'est le temps de faire ça. T'allumais ta tops. Ouais, tu t'en allumais une. C'est juste le deuxième niveau, tu sais. Ah, tu as-tu besoin? T'avais clairement le temps de prendre ta cigarette à l'arrière de ton oreille, tu sais, t'as mettre au bec, l'allumer. Ou de sortir le pack de cigarettes de ton épaule dans ton chandail. Ben oui. Mais c'est cool qu'il ait réussi ça, tu sais. Tu sais, Metal Gear aujourd'hui, ça vient de là. Ben oui. Comme ça. That's it. Rien de moins. Quatrième fun fact maintenant, le plus haut high score possible était de 3 333 360 points. C'est un certain Eli Rodrigue qui a fait ça. Oui, étant donné que c'est un integer pour ceux qui connaissent la programmation, si on se ramasse à faire absolument tous les niveaux de 1 à 255, le niveau 256 est impossible à terminer. C'est le kill screen. C'est le kill screen. Ouais. Billy Mitchell fut le premier à obtenir un high score parfait dans ce jeu-là. USA. Make America USA. Great Again. Ouais, exactement. Il vote Trump. L'as-tu fait live ou en enregistrement VHS du tout? J'ai pas cette information-là, malheureusement. C'était un crosseur. Mais Vincent Lemay, qui est venu être king de Donkey Kong chez Arcade Montréal, parce que lui, il est genre 7e mondial présentement avec son score. Wow. T'sais, il disait que Billy, il est pas si bon que ça. Tu sais, Billy, il est comme reconnu pour sa personnalité, mais il est pas... Il n'est pas reconnu dans la communauté comme étant un bon joueur. Il est bien meilleur que tous nous autres ici, en tabarnak. Mais il est pas. Parmi les bons joueurs, il est genre le moins bon. Ok, ok. Il est marketing. Il est marketing. Ouais. Mais et tant mieux, parce qu'il est dans. J'espère qu'il écoute pas. Il est dans. Non, je pense pas. Mais je l'aime. J'aimerais ça qu'il vienne. Mais il est dans tous les documentaires et tout ça. Puis il est important, tu sais, pour ces vieux battles-là, de la vieille garde des champions d'arcade. Non, mais c'est. As-tu regardé tous ces documentaires-là d'arcade? C'est tous les gars à tête grise, même. Littéralement. 50 ans. Ouais, exact. Fond dur, tu sais, puis tout ça. Puis c'est pas vendeur, ces gars-là, mais Billy, il est vendeur. Fait que ces documentaires-là existent à cause que le gars, il est vendeur. Ouais. Fait que c'est ça. OK. C'est bien expliqué maintenant. Ça, je voulais dire. Ils aiment tous ces vieux bats-là. Merci de l'info qu'on vient d'en faire. C'est des beaux bats. Ouais, respect. C'est ça. Dernier fun fact qui me reste. C'est des beaux bats. C'est beau. Bien rond. Là, bien lisse. Chaque fantôme a son propre style. Quand tu tires la peau, toute la peau est tirée. C'est propre. Là. Une belle jump propre. Il n'y a pas de smegma. Non. Mais... C'est luisant. Faut vraiment que je continue à après ça. Il avait-tu un pool, genre, là, celui qui disait ce mot-là? De... Ça fait 30 secondes que j'y pense. Puis je vais le dire. T'es rappelé ton cours de bio de secondaire 3. Oh, ça s'appelle. Oh. C'est plus en FPS. Yeah. Et on s'ennuie de ça. Dans le sens que tu fais du sexe, là, tu fais le sexe. Et là, il y a du smegma. Hey, là, on s'égare, puis... Donc, dernier fun fact. Vas-y, Jeff. Moi, je peux partir toute la semaine. Yank que là-dessus. D'ailleurs, on parlait des shows spéciales en début de... Il y a un show spécial. Ça, c'était spécial. Dom, une heure là-dessus. Une heure, c'était FPS. C'est Dom. On dit comment ça va, puis ça dure une heure. Ça, c'est solo. Spécial vieux bat. Le Jean-Marc Parent du podcasting. Ouais, vraiment. Ouais, tu sais. Donc, Flash T. Oui, on a acheté cassette. Allez par la voir. Il y a quatre fantômes dans le jeu. Ces fantômes-là ont des noms. Donc, Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Ils ont tous leur propre style. Fait qu'ils ont tout un AI en arrière de ces fantômes-là. Ouais. Blinky et Pinky sont les plus simples. Eux autres, ils font juste chasser le joueur directement. Pas de, vraiment d'AI poussé. C'est ils chassent. Inky, lui, implémente des trappes. Il essaie de te coincer dans des coins. Hostie. Puis Clyde, c'est le plus dangereux. Lui, il a un comportement complètement aléatoire. Fait qu'il mixe les comportements des autres. Puis il fait un peu n'importe quoi, celui-là. Ouais. C'est un freak. Si tu veux performer à Pac-Man, c'est important que tu saches ça. Qui fait quoi. Oui, tu as vu, je savais pas ça avant ce soir. Ouais. Ouais, mais il y a quelque chose de super important par rapport à ça. Je sais pas. Est-ce que tu parles des noms en japonais? Non. Non. Ça, là, puis c'est comme super triste et frustrant, tu sais. Les noms en anglais, ils veulent absolument rien dire. Mais les noms originaux japonais, originaux, c'était. L'indicatif de ce que tu as décrit. Fait que ça décrit un peu la personnalité des ghosts. Fait que là, nous autres, Inky, Binky, Pinky, Sue, là, c'est comme ça veut rien dire pendant tout, mais eux autres, ils disaient genre, je pense qu'il y en a un qui s'appelait Dash, l'autre Tricky, il y en a un qui s'appelle Stupid. C'est vraiment ça. Puis nous, on s'est toujours fait avoir en Amérique du Nord avec les noms qui ont juste pas rapport. Là, pis, ben, Pinky, on comprend, là, mais. Ben, parce qu'il est rose, tu sais, mais les autres. Ouais. Mais Blinky, moi, j'étais comme, bon, il clignote. Mais... Ouais, l'autre me disait, il Clyde, des traces. C'est qui Clyde aux États-Unis? C'est qui Clyde chez Bally, là, genre l'idiot du village? Ouais, c'est sûr. On va nommer le fantôme qui fait n'importe quoi. Ouais, ouais. Clyde, pour se moquer de ce gars-là. Ouais, ouais. Exact. C'est ça. Donc, c'est les fun facts. On peut retourner maintenant au gameplay. Ouais, c'est fantastique. C'est Bruno qui va commencer avec un jeu de 2004 qui a été cancellé. Oui, monsieur. Pac-Man Adventures. Quand même, c'est un jeu qui a été cancellé puis il n'y a pas une tonne d'informations sur ce jeu-là. Sauf que c'est ça, le jeu utilisait des designs de Don Bluth. Don Bluth, c'est le grand responsable d'un jeu vidéo pour Dragon's Lair et Space Ace, entre autres. Il a fait le film An American Tale aussi, qui était très bon. Puis c'est ça, ce jeu-là a été complètement annulé pour des raisons budgétaires. Et puis, il y a plusieurs des concepts, de toute façon, de ces concepts-là qui ont été utilisés dans Pac-Man World 3. Fait que finalement, ça aura servi à quelque chose, mais ça s'en allait ailleurs quand même. C'est là, joli. C'est très beau. C'est genre Mario Galaxy du Pac-Man. Ouais, ouais. Exact. Mais tu sais, Don Bluth, c'est un king de l'animation, ce bonhomme-là. Ouais, ben là. C'est ça. Il voulait-tu le faire de même, lui-là? Là, en ouais, genre ben, de point de pèse au bon moment. C'est ça que je sais pas. Puis j'aurais bien aimé rejoindre Don Bluth. Ouais, il n'était pas là. Non, il n'est pas là. Dans son chalet suisse. Il est pas ben blood. Dans son chalet suisse. Fait que, ouais, c'est ça. Pac-Man Adventures, un jeu annulé, malheureusement. On aimerait ça l'avoir. Puis dommage. Dommage. 2005, ensuite. Mm-hmm. Pac-Pix. Ouais, Pac-Pix, en fait, ça, c'est un peu une autre étrangeté. De Pokémon Snap, mais de Pac-Man? Non, en fait, c'est comme plus un genre de Scribble Knot ou de... Tu sais, les minigames, genre à la WarioWare, là. Fait que grosso modo, ce qu'on voit à l'écran, c'est t'as des fantômes qui se promènent, puis toi, tu dessines Pac-Man du mieux que tu peux, puis tu y fais des barrières pour l'envoyer manger des fantômes. Ouais, c'est ODS. C'est intéressant comme jeu. J'avais pas joué, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ah. C'est un des purs jeux DS qui est sorti là, avec l'utilisation du hardware, puis ça a l'air le fun, honnêtement. Ça s'appelle Pac-Pix. Il est écrit dans le bas à gauche de l'écran, Dom, si tu le cherches. Ouais. Ah. Pac-Pix 2005 Pac-Pix, DS. Donc, c'est non, puis il me semble qu'il n'est pas très difficile à avoir. Ouais, c'est très, très joli, là, le look. Là, complet, 7$. Et voilà, <tu vois. rire> on peut tous dire que ça n'a pas été un succès, finalement, mais c'est cute. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant de jouer genre 30 longtemps, niveau de novelty, ça. Là, mais là, tu tannes au bout de 10 minutes, je pense. Une ride de boss, puis t'as eu ton expérience. Exact. Là, mais c'était très joli, en tout cas. Non, c'est beau cool. Petit jeu, puis... pour le prix. Des... Ouais, j'imagine, à 7$. C'est bien fou de... Ouais, let's go. Ah oui. Faut que tu en passes. Power Chaser, ils checkeront ça. Pis... Ouais, c'est clair. Ouais, sur la liste. Exact, Colin. Prochain jeu, encore une fois, en 2005. Une grosse année pour Pac-Man en 2005. Ben des jeux. Cette fois-ci, Pac-Man Pinball Advance. Oui, c'est exactement ce qu'on pense. C'est une pinball dans le style de Mario Pinball Advance. fait que, excuse-moi. Merci, mais ça en prend des fois. Hein, c'est ça, c'est vraiment, sérieusement, c'est vraiment moins bon que Mario Pinball. Moi, je suis un gros fan de Mario Pinball sur GBA, puis ça, je l'ai... où je me suis aussi procuré, puis c'est pas bon. Ben, premièrement, tu sais, le graphisme... Bon, Pac-Man, il essaye tellement d'être comme les autres, ouais. Il réussit jamais. Le graphisme a l'air intéressant vu de même, mais il est vraiment dégueulasse. Il y a des affaires qui sont bien faites, d'autres qui sont vraiment pas bien faites. C'est très difficile de voir qu'est-ce qui se passe à l'écran, puis il y a absolument rien sur les tables. Les plateaux sont vraiment pas bons. Il y avait pas beaucoup de niveaux. C'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu qui a eu des critiques vraiment affreuses. Là, j'aime qu'ils aient mis les petits bonhommes de Dig Dog. Ouais. Non, c'est ça, il y a des beaux détails, mais tu sais, that's it, that's all. Là, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. T'sais, comme ce qu'on voit présentement, c'est ce qu'on a. Là. Les tableaux ressemblent un peu tout à ça, puis tu n'as pas grand-chose à faire dedans. Fait que tu te tannes assez rapidement, surtout quand il y a déjà un autre jeu qui fait exactement la même affaire, ouais. Mais mieux sur la console, ça te donne pas trop le goût d'aller chercher ça. Ouais, ben non. Fait que c'est ça, une autre déception pour Pac-Man. Sinon, on reste encore en 2005, là. Ah ouais. Pac and Roll maintenant. Ouais, ah oui. Ben Pac and Roll, encore une fois, dans le titre. T'sais, vous imaginez sûrement Pac-Man qui roule et vous auriez raison. Donc, on regarde ça ici. Dans le fond, ça ressemble un petit peu à soit Marble Madness mélangé avec du Super Monkey Ball ou du Sonic. T'sais, c'est vraiment. J'ai un jeu de Wii, moi, qui est comme ça. Ouais, ben... J'ai pas joué assez longtemps, mais c'est le fun, celui-là. Ça a l'air vraiment le fun. J'ai jamais joué, pour être franc. Puis je regardais ça, puis dans le fond, le but, c'est un peu différent des Pac-Man, c'est vous essayez de ramasser toutes les billes dans le meilleur temps possible. Puis donc, c'est ça. Puis vous vous déplacez dans une espèce de track, en fait. Là. Ouais. Puis ça a l'air vraiment le fun, assez différent des jeux de Pac-Man original. Quand je dis vraiment, là, tu sais, c'est... Bon, là, c'est intéressant. Le Pac-Man peut pogner sa bouche pour se pogner ouais, après c'est les, ça, sur les corniches. C'est drôle. Ça a l'air amusant, différent. Ça a l'air un genre de jeu léger là, que... Ben c'est vraiment comme Marble Madness, tu sais, ça ressemble vraiment beaucoup sur ce que ça se contrôle mieux parce que t'avais un joystick au moins pour contrôler le personnage. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ben, il y a l'aspect un peu Super Monkey Ball là, quand t'es dans les espèces de track là, pour ramasser les items. Fait que ça ressemble un peu à ça. C'est très cute, très le fun. Puis moi, je l'ai jamais essayé honnêtement, mais j'ai le goût après avoir regardé ça. Ah, ouais, ça a l'air bien. C'est le fun. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 2006, sinon sur PS2, PSP, GameCube et PC, il est sorti Pac-Man World Rally parce que tout le monde fait des jeux de cartes. En fait, on a skippé un et qu'on a pour pas vrai? D'image, là, t'as skippé Pac-Man World 3 en 2005. Ah ben oui, Pac-Man World 3, c'est celui-là justement qui a utilisé les assets de Dunblot. Ouais. Voilà. Fait que c'était un 3D platformer qui était bon d'ailleurs. Les 3D platformers de Pac-Man, tous ces Pac-Man World-là valent la peine. Là. Moi, je les ai tous joués et je les ai tous bien aimés. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait d'autres stocks autour. Ils auraient dû se concentrer là-dessus quand même. Il y avait de quoi de bon. 2006, non? Qu'est-ce que tu disais? 2006, c'est ça. On est rendu à Pac-Man World Rally. Fait que c'est un jeu de cartes comme ouais. Les autres jeux de cartes qu'on connaît. c'est ça, c'est vraiment la Mario Kart. Il y avait 15 tracks là-dedans ben, ouais. Avec un Battle Mode aussi. Les Pac Dots te donnaient un boost tout simplement pour devenir Pac-Man puis manger les autres une fois de plus. Les personnages, t'avais toute la famille de Pac-Man. Fait que t'avais tout ce qu'il y avait dans la famille Pac-Man. Puis t'avais aussi les fantômes. Et aussi, t'avais le très louche Pac-Devil que j'ai pas vu nulle part ailleurs. Ah ouais. Genre, c'était un Pac-Man rouge avec des cornes puis il a l'air méchant. Mais je connais pas ce personnage-là, je l'ai jamais vu. C'est lui qui mène, là, d'ailleurs. Oui. Ben, c'est ça, c'est un jeu. Rappeler, si qu'on le voyait. C'est un jeu qui a eu des critiques moyennes. Ça avait pas l'air très bon. Je l'ai pas essayé parce que des jeux de cartes, il y en a des très bons qui existent. Fait que c'est ça. Ouais, il y a My Sims Racing qui est excellent d'ailleurs. Ouais, exact. Comment non, oui. Méchant jeu, ça doit valoir une fortune. Y a-tu des jeux que Pac-Man a comme pas copié quelque chose, sérieux? Ah, c'est fou. Ben là, c'est du monde qui se cherche. Mais comme je disais tantôt, tu sais, Pac-Man World, il y avait quelque chose de bon. Ouais. Je pense qu'ils l'ont fait durer le plus longtemps qu'ils pouvaient, puis à un moment donné, ils se sont dit, OK, on pourra pas se rendre à 10 avec cette affaire-là. Ouais. Puis ils ont fait une trilogie, puis ils ont arrêté. Dommage. Ben, c'est quand même pareil comme Mario 64. Oh, oui, c'est la même affaire, sauf que ça reste un 3D platformer. Rendu au troisième, il y avait quand même une évolution, puis ça devenait son propre jeu. Ça, ouais. On sentait moins l'influence de. Parce que de toute façon, tous les 3D platformers qui ont été faits dans le temps de Mario 64, tu avais l'impression de jouer à quelque chose qui veut être Mario 64, ouais. Mais qui ne l'est pas. Fait que c'est ça. Sinon, après ça, on est rendu à... Oh, Nicolas, là, t'en as un fort. Ouais. 2007. 2007, l'incroyable Pac-Man Championship Edition. Ça, c'est de la dynamite, de la bombe. Imaginez le Pac-Man original dans une discothèque néon. Il est ses speed. Puis c'est complètement fou ce qui se passe là-dedans. C'est exactement ça, ce jeu-là. Tu sais, c'est... En fait, c'est aussi important de mentionner que c'est le dernier jeu que Toru Iwatani a travaillé dessus. Ah ouais. Donc après, il a pris sa retraite. Donc, il a participé justement au design de ce jeu-là. C'était écœurant, ce jeu-là. T'sais, c'était PS3, malade. Xbox Live, 3DS, PSP, name it. Mais oui, en premier, ça a été à l'arcade. Oui, à l'arcade, tout à fait. Un énorme cabinet écœurant. Puis ça, là, si vous avez jamais joué, là, je vous conseille de mettre pause sur le podcast, d'aller chercher ce jeu-là d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, vraiment. C'est malade, là. C'est vraiment bon. C'est tout ce qu'on aime de Pac-Man, avec un petit twist moderne, de la vitesse, des effets visuels vraiment intéressants. Puis tu peux manger les fantômes là-dedans, tu peux. Tu peux les manger d'une autre façon. C'est là. Frénétique, ouais. Tu vois, tout dépendant si tu te bounces à quelque part, puis c'est écœurant. Vraiment très bon. Puis, que dire de plus, c'est. Il y a la formule originale, mais vraiment modernisée, mais bien faite. Ultra rapide, votre cerveau là, va vraiment être en extase devant toutes les couleurs, explosions aussi, de couleurs. Et puis c'est le bien son aussi. C'est grisant. Là, t'sais. C'est parce qu'à un moment donné, t'as comme 20 fantômes qui te suivent. Ouais, là, tu prends une pastille, là, tu te revires de bord, puis c'est fou. Ça explose. Ah ouais, mais ça, honnêtement. C'est tellement satisfaisant. C'est un des meilleurs jeux de la franchise. Comme je dis, il y a tellement eu de parts, et même iOS, à un moment donné, qui ont sorti une version. Fait que allez-y, achetez ce jeu-là, les yeux fermés. C'est malade. Puis lui, contrairement aux autres, il est pas comme... Non, c'est ça. C'est pas un jeu louche, inconnu. Là. C'est vraiment de la dynamite. Là. Ah, encore une fois, ils ont repris l'original puis ils l'ont amélioré. Ouais, mais en fait, c'est ça qui marche. On s'aperçoit exact. Que il n'y a pas grand-chose dans tout ce qu'on vous présente là, qui était genre « Oh ouais, moi, c'était super. » Pac-Man, c'est Pac-Man. S'ils collent à leur recette, avec 2-3 twists, c'est le fun, mais le reste, à date. C'est assez éditorial ce qu'on dit là, mais essayez-les, puis revenez nous voir. Sinon, par la suite, attends une minute, t'étais-tu en 2009? Ouais. Ok. En 2007, j'étais. Fait que, ok, là, tout est en 2007. En 2009, sur PlayStation, ils ont voulu sortir Pac-Man Ghost Zone. Puis ça, c'est un jeu qui a été cancellé. Jeu d'espionnage? Même pas. Ah non? Ça, c'est je regarde ça. Même. L'horrible chose qui aurait pu venir dans nos salons. Puis tu le vois directement, là, tout de suite. Oh là, mon Dieu. Faut pas que ça sorte, cette affaire-là. C'est dégueulasse. Oh man, check le mouvement de personnage. T'as bien raison. On dirait des tank control un peu. Put it out of its misery. Hey, t'es obligé. En haut, là, c'est clairement les indicateurs. Parce que probablement que tu vois rien. Puis qu'ils vont te dire dans quelle direction aller ou. S'il y a quelque chose qui s'en vient vers toi. Tu fais juste gosser sa caméra tout le temps. Ouais, exact. Ah non, mais c'est ça, c'est dans le temps qu'il y avait juste un joystick, tu savais pas trop quoi faire. Non, il y avait pas de joystick en fait. Puis ça contrôlait la caméra tout seul. C'est la PlayStation en fait au début. Ouais, il y avait pas le dual. Au début, il y avait pas le dual. OK. Fait que c'était probablement c'est ça, PlayStation 1. Fait que c'est ça, c'est un 3D platformer qui aura jamais vu le jour, vous le voyez ici puis check ça. Ah, ouais. On n'est pas triste, on regarde ça. PUBG 3D, c'est pas si pire que ça quand tu regardes ça. Là. Astime, c'est vraiment dégueulasse. Il y avait tellement de jeux en plus de même avec lesquels fallait vivre. T'sais. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, on sait ça, le futur qui reste. On remercie quand même Mario 64. Oui. Parce que, tu sais, il a fait une même bonne si c'est job. Pas mon jeu préféré, exact. Il nous a sauvé de ça. Là. Fait que... Ah oui, ça, c'était tellement mauvais. 2009, il y a eu Pac-Man Remix qu'on n'a pas d'image. Oui. Attends une minute, Pac-Man Remix. Quand le jeu qu'on vient de voir, c'est 2009. Oui. Oui. Parce qu'on est comme. Non, c'est ça. Ça, c'était un jeu. Excusez-moi, c'est mon erreur. C'est un jeu de PlayStation 2. Fait que encore pire, en fait. C'est un jeu de PlayStation 2 que t'avais les contrôles. 10 ans après Mario 64. C'est, ouais, c'est vraiment horrible. Et on parlait de Pac-Man DX qui était comme visuellement comme 1000 coches au-dessus de ça. Exact. Championship. Fait que c'est ça. Il y a Championship Edition que Nicolas a parlé tantôt. Là, il y avait l'édition DX qui est l'édition qu'on a vue tantôt, qui était 2010, l'édition ouais. Deluxe. Pac-Man Party qui est sorti sur la Wii. Qui est vraiment un mauvais jeu de party. Là, c'était vraiment pas bon. Pac-Match Party, qui est un jeu iOS. Là, on commence à rentrer dans le mobile aussi, là, pas mal. Puis Pac-Match, c'était un jeu de match tree de Pac-Man. Pac-Chain aussi, qui était un peu le même principe. Après ça, Pac-Oiseau. Pac-Maison. Ouais, c'est ça. Pac-Tout. Angry Bird Pack. c'est surprenant qu'il soit pas sorti. Puis sinon, en 2011, Nicolas, Pac-Man Battle Royale. Ouais, écoute, ça, là, j'ai jamais vu ça, puis j'en suis malheureux là, parce que ça a l'air malade. Dans le fond, ça faisait partie des célébrations du 30e anniversaire là, de Pac-Man. On se rappelle, c'est sorti en 80. Ah, mais ça, il l'a à l'arcade au Star City, à côté de chez vous. OK, je vais y aller, Les grosses tabarnak de station. Exact, tu sais, puis c'est un jeu où... Dans le fond, tu joues à deux, puis t'as toutes sortes mais c'est comme un duel sans fin, mais tu peux manger l'autre player, tu sais. Tu peux faire plein d'affaires, puis tu joues vraiment un contre l'autre. C'est un fighting game de Pac-Man. Vous voyez ça comme ça, là? Fait que c'est un duel où t'es en constant combat contre l'autre, puis les fantômes sont là aussi, juste pour un petit peu foutre la chenoute là, dans cette affaire-là. Fait que, donc, c'est ça. Tu te bats contre un joueur et le AI, mais c'est dans des très petits tableaux, en fait. Là. Ouais. Fait que c'est assez limité. Fait que, tu sais, c'est vraiment super action. Alors, j'ai vraiment le goût. Maintenant que tu sais où il y en a une, c'est clair que je vais y mettre des 30 sous. Non, puis ça évolue. Il y en a une à la ronde, entre autres. Ouais. Puis c'est vraiment le fun de jouer à ça. Puis quand tu gagnes, en plus de ça, tu peux pitcher de la peinture au monde qui ont perdu. C'est vraiment le fun. Mais celle-là qui a Star City est gigantesque, mais il l'a aussi en format un petit peu plus petit. Okay. Le cabinet, ça c'est pas mauvais. Ben ça doit être une fortune. Malade, ça quand même cher, toujours là. Trop gros. Ouais. Mais avoir de l'espace, là, c'est clair que ça serait un killer app. Là, parce que t'as Fier, quatre bornes. Tu sais, t'as l'écran au loin. Ouais, ouais. T'as quatre stations comme avec juste un bouton dessus. Là, ouais. Fait que tu te mets quatre là, puis tu gueules comme des malades. Puis tu smashes sur le bouton. Ah ouais, mais ça a l'air de. Mais c'est un jeu de fou en gang. Là, fait que, en tout cas, beau jeu. Yes! Après ça, en 2013, si je me trompe pas. Il y en a trois, en fait, en 2011 là, qu'on va sauter. Ouais, c'est vrai, là, Nick. Ouais. Il y en a trois par la suite. Pack and Jump. Ouais, Pack and Jump, c'est un jumper iOS classique. Un jeu de basketball. Ouais. Il y a eu Pack Chump aussi en 2011. Pack Chump, ça, je me souviens plus, c'est quoi. Ça devait être, en tout cas, c'est un jeu bien simple, sûrement. Sur sinon, iOS. En 2012, Pac-Man Kart Rally. C'est un jeu de un jeu de cartes sur iOS, encore une fois, sur Android aussi. 2013, là, c'est le grand retour ou pas de Pac-Man. PS3, Wii U 360, PC, 3DS, Pac-Man and the Ghostly Adventures, qui est un platformer 3D basé sur la série animée du même nom. Puis moi, j'avais eu la chance de faire la critique de ça à Monsieur Net. Et je m'en rappelle, man. Ouais. Ouais, je m'en rappelle, pour vrai. Puis t'avais pas aimé ça. Ah, j'avais tellement d'espoir pour ce jeu-là parce que je trouvais vraiment que c'était super beau. L'approche était vraiment le fun. C'est Pac-Man de métal qui est introduit dans l'autre jeu. Ouais. Par contre, on voit un rappel. Puis tu sais, j'aime l'idée. Tu pouvais justement avaler plein de choses qui changeaient ton Pac-Man, donnaient différentes habiletés. Fait que c'est le fun. Mais le design de niveau était épouvantable. Les contrôles étaient affreux. Ça avait aucun sens. Puis juste pour vous donner une idée de pourquoi ça devait être affreux cette affaire-là, ben c'est parce que le développeur, c'est Monkey Bar Games. On se dit, Monkey Bar Games, c'est qui ça? Ils ont fait, Sonic Boom. Ils ont fait les excellents jeux Madagascar 3, Despicable Me The Game, puis Flushed Away. Ah. Fait que Ils ont vraiment donné ça. Ça à Pee-wee. Mais là. Oui! Voyons donc. Crime, tu donnes ça à Naughty Dog ou à une grosse compagnie là, qui vont ramener ça. Une Insomniac, exactement. Ouais. Tu sais, il aurait fait de quoi de solide avec lui parce que c'est ça. Ouais, mais il aurait coûté trop cher, tu sais, c'est ça. Ouais. La magie des third parties. Là. C'est... Mais tu sais, c'est parce que. Moi, ça a l'air le fun quand tu regardes les images. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait chier. Puis, il y en a un deuxième, puis il y a les mêmes problèmes que le premier. C'est les gens qui ont designé ça ne savent pas faire des niveaux. Le design de niveau est épouvantable. T'es tout le temps perdu. Tu ne sais pas où aller, puis tu n'es pas obligé d'aller partout. Puis tu n'as aucun incitatif à te rendre plus loin ou à avoir plus de billes ou de power-up. T'sais. Fait que... C'est triste quand même. Parce que tu sais, quand tu y penses, développer un jeu, si ton gameplay est excellent, c'est pas grave que ça soit Pac-Man ou Mario Bros. Sonic. Ou je sais pas moi, Mario Ramos. Si Mario Ramos était Super dans un Mario jeu. Ramos. Super Mario Ramos, c'est gagnant. Hey, ton prochain Game Jam. Là, il y a déjà quelqu'un qui m'avait fait la joke qui avait la. C'était la pochette de New Super Mario Wii. Ouais. Il a comme juste changé les lettres avec un collant par-dessus, puis c'était Super Mario Ramos, puis ça fonctionnait. C'est magnifique. Nice. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour Pac-Man and the Ghostly Adventures, un jeu qui avait beaucoup de potentiel quand même. C'est ça, sinon, si je retourne dans mes notes... Toujours en 2013, Pac-Man Dash. Ouais, donc ouais, là, on arrive dans la fameuse époque des Endless Runner, en fait. Là. Ouais. C'est vraiment un jeu, là, typique, là, d'Endless Runner, qui a pas l'air spécialement bon, tu sais. Il est correct. Ouais. Je l'ai installé juste par curiosité. Ouais, okay. C'est correct. Tu sais, moi, je regarde ça, je me dis, moi, je vais jouer à... Je vais jouer à peut-être Robot Unicorn Attack ou tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Tant qu'à faire ça, tu sais. Mais en tout cas, ça fit avec Pac-Man là, dans la série. Là, mais bon, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'un si grand effort. Là. Si Bruno dit que c'est bon. Mais c'est... Non, mais c'est bon. Sérieusement, c'est bien correct là, pour un jeu US. Là. Ouais. Ça pourrait être pire. Là. C'est bien moins pire que Pac-Jump. Okay. J'ai essayé Pac-Jump, c'est vraiment Est-ce poche. Est-ce qu'il est payant, hein, ce Pac-Jump? Non, c'est okay. un, ouais. encore une fois, free-to-play. Bon. Fait que... En tout cas, vous pouvez l'essayer, gratuit à l'installation, mais... Correct. Ouais, je suis pas sûr que... C'est pas ça qui va sauver la licence. C'est ça, hein? Ouais. Malheureusement. C'est moyen. Sinon, après ça, t'en avais-tu d'autres? Ben là, on est rendu en 2013. On est encore en 2013, et là, on s'en va avec Pac-Man Chump Mania. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi qui ai pogné ça. Pac-Man Chump Mania, c'est une slot machine. Oh. Fait que c'est le jeu de Pac-Man, sauf que tu peux gagner des tickets. Quand échangeable contre des totos. Exact. Puis ça, c'est un gros écran de 42 pouces en avant de toi. Puis tu joues à Pac-Man. Puis tu gagnes de quoi? C'est juste ça. Il y a rien de. Ça doit être une machine qui doit avoir genre Niagara Falls. Que tu peux justement gagner plein d'étiquettes pour avoir un crayon pour 250 000 tickets. Exact. Ouais, dépense 300$ pour avoir ce magnifique Oh wow, il appelle ça, oui, un jackpot, un packpot. Le packpot. Hey, le packpot est 1000 tickets, guys. Challenge the packpot. Ah, 1000 tickets, un efface. Oh, la fille, je sens bon. La fille qui jouait, j'ai l'impression qu'elle allait se retourner puis elle aurait pas de face, genre. Une robette. Une Android. Elle pas Dead de inside. Dead inside. Ah, mais ça a l'air cute de regarder ça, les gars. Ouais. Évitez ça. Ben, en tout cas. Ouais, exactement. Fait que ça, c'était Chump Mania. Hein? Ouais. C'est ça. Fait qu'après ça, en 2014, ils ont sorti la suite de Pac-Man and the Ghostly Adventures, le deuxième. Sur Wii U. C'est pas mieux. Ouais, sur Wii U, entre autres. Puis c'est pas débile. Après ça, je vais juste aller revoir mes notes parce que j'avais de quoi à dire à propos de ça. Pac-Man Monsters. En 2014, ouais. En 2014, qui est un jeu... Ça, c'était intéressant quand même, mais c'était audacieux. C'était un puzzle RPG comme Puzzle Quest. Fait que t'avais vraiment, t'avais l'écran du haut où t'avais Pac-Man qui se battait contre les fantômes, mais dans un setup un peu médiéval, tu sais. Puis bizarrement, ça se tenait très, très, très, très bien. OK. Puis t'as aussi Pac-Man Friends sur iOS. C'est un puzzle où il faut manger tous les dots pour terminer le niveau, mais en fait, tu le diriges avec ton doigt ou avec les contrôles de motion. C'est correct, une distraction. Pas mal. Ouais, je le sais. sinon, après ça, Nick, je pense que c'est à toi. Il reste 2015, Pac-Man Bounce, que on n'a pas d'image non plus. Là. Ouais, ils en ont sorti pas mal. Pac-Man, ouais, Pac-Man Bounce, c'est encore la même affaire. Pac-Man c'est Dash, Pac-Man Bounce. Exact, ils ont rouvert. C'est tombé de la merde. Pac-Man quelque chose. Oh, ils ont rouvert les gates là, de jeux Pac-Man dans les dernières années. Avec l'iOS, c'est bien moins cher. Ouais, mais en tirant partout, tu finis par frapper quelqu'un. Là. Mais le prochain, c'en est un bon, par contre. C'est ça qu'ils espéraient, je pense. En 2015, Pac-Man 256. Ouais, si vous avez jamais joué à ça, je vous conseille. C'est un autre gratuit ciel. Oui. Free to play. Dans le fond, là, il a commencé sur iOS, maintenant il est disponible sur les plateformes, les consoles. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ça fait référence au fameux bug 256 qu'on a parlé tantôt. Mais la twist, la spin avec ça, c'est que dans le fond, tout le monde se sauve du bug. Fait que là, on commence, c'est comme un scroller vertical. Puis on se promène dans un labyrinthe. Labyrinthe et un labyrinthe puis dans le fond c'est ça, ça scroll vraiment de façon verticale, puis tu peux quand même manger les fantômes. Il y en a qui sont en pack de 4, tu sais, puis qui t'approchent, puis tu peux pogner des items un peu farfelus comme un laser, tu sais, qui va juste clairer ta ligne. Ouais, c'est hot en tabarnak. Ouais, puis ce qui est cool, c'est vraiment, tu sais, tu te promènes puis t'essayes de te sauver du glitch. Fait que le but, ça peut être infini, ce game-là. Tu fais juste monter dans le tableau, puis c'est de plus en plus dur. Le glitch, il te court après en arrière. Exact, tu sais. C'est beau parce que, tu sais, c'est vraiment le même glitch là, que si vous avez déjà vu le kill screen. Ouais. Ouais. C'est vraiment une belle twist, puis c'est un peu semi-pixelisé, semi-3D, tu sais. Puis dans le fond, c'est les mêmes gars. Je sais pas si vous avez déjà joué à Crossy Road. Ouais. Hipster Well, la compagnie qui a fait ça. Ces gars-là, tu sais, sont. Ça fait comme deux ans qu'ils existent, tu sais, ou trois ans. Puis ils ont déjà une franchise de Pac-Man qui ont réalisé. Fait, quand même. Mais ils ont du talent. T'sais, Crossy Road, vous avez déjà joué, c'est comme Freeway, mais en genre de pixel, mais en cube. T'sais. C'est fait un genre de. Imaginez un plus d'une. Bon, une espèce de spin moderne. Ouais, c'est ça. T'sais, 3D, là. T'sais, vraiment comme. Minecraft story mode, merci, mais Minecraft en tête, tu sais, puis le look est le fun, c'est vraiment le fun. Moi je vous dis là, Pac-Man 256 là, allez-y là, dans notre c'est vraiment le fun. Essayez le iOS là, c'est vraiment un bon time killer. Ouais. Je sais pas sur console, je l'ai pas essayé, qu'est-ce qu'il vaut. C'est vrai, j'ai pas essayé. Mais non, mais il est maintenant PS4 ça en fait. Il est sur Steam console. Aussi, j'ai juste sur Steam ou web. Ouais, c'est ça, mais ça a été tellement un gros succès qu'ils ont décidé de le mettre sur les autres plateformes. Mais en tout cas, super le fun, go. Une belle twist, encore une fois, c'est quoi? C'est un puzzle, c'est un maze game que tu te promènes. Exact. Fait qu'on n'est pas trop loin de l'original, mais avec une belle spin. Puis le clin d'œil au bug 256, juste génial. Toutes les upgrades aussi, il y en a beaucoup. Là. Puis à force de jouer, tu peux t'en débloquer, des en affaires, acheter plein. Tu peux commencer le niveau avec un power-up que tu as acheté, aussi, puis ça change ta game. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock en jeu. Ah ouais. C'est du replay value là, vraiment incroyable. Là. Fait allez-y avec ça. Ouais, en plus, c'est ça, c'est jamais le même. Toi qui aimes. Moi, pas j'aime ça, tellement là. Ça. Le procédural. Tu peux pas mémoriser. Fait que... Mais très beau jeu. Oui, oui. Fait que c'est ça. Sinon, il y a eu aussi Puzzle Tour par la suite, qui est comme une compilation de jeux de puzzle de Pac-Man. Ok. C'est encore un jeu mobile. 2016, un autre jeu mobile. Un jeu mobile auquel je joue souvent, bizarrement. Oui. C'est Pac-Man Pop. Pac-Man Pop. Ouais. C'est ça. Moi, juste en voyant le design de Pac-Man puis des petits fantômes, j'étais conquis. Je un super petit clone magnifique. De Puzzle Bubble encore. Ouais, là, totalement. Exactement. C'est Bust a Move. Là, c'est pareil. C'est Bust a Move, en fait, avec le même twist jeu, de Pac-Man. Puzzle Bubble, c'est le nom japonais de Bust a Move. Mais tu sais, ils doivent capoter, man. Pac-Man, il a rajeuni. Il y a vraiment une twist différente. Là, ouais, mais c'est vraiment le fun parce qu'en fait, là c'est simple. Mais tu sais, il faut tout le temps que tu détruises. Faut que tu détruises des fantômes. Puis aussi, plus tard, ben tu sais, c'est ça. Faut que tu libères des animaux sinon. Puis il faut que tu fasses d'autres missions. T'as des boss battles où t'as un fantôme qui est au milieu. Puis faut que tu défasses des bulles autour pour finir par le frapper lui. C'est un free-to-play, puis j'ai pas dépensé une scène encore, puis je joue vraiment à tous les jours à ça. Là, j'étais avec mes kids, eux autres, ils écoutent Pépa Cochon, puis ça ben me tente ouais. pas de l'écouter. Dinosaure! Fait que c'est ça. Mais bon jeu, sérieusement. On savait pas que Pépa allait sortir ici. C'est ça. Puis sinon, pour la fin, le jeu le plus récent auquel je joue vraiment beaucoup, c'est Pac-Man Championship Edition 2. Ouais. Puis, ah ouais. Ouais. J'ai pas essayé. C'est prochain niveau, là, vraiment. Ah ouais? Là, parce que là, quand tu pognes une série de fantômes, non, ils restent plus dans la map, ils restent plus comme dans le maze. Il monte dans l'écran, puis il s'en va dans le ciel, puis il mange à l'infini, mon gars. C'est juste, ah ouais. Là, ça prend, c'est ça, c'est level 11 plus loin encore de ça. Puis c'est ça, il y a des nouvelles techniques aussi, entre autres avec la bombe, du fait que tu peux revenir dans un point central, partir plus loin dans le tableau. Tu as okay. comme des espèces de t'as des spins sur le maze, mais aussi sur les shortcuts. Fait que c'est vraiment le fun, c'est super super super rapide. Puis là maintenant, le but c'est vraiment de créer la plus longue file de fantômes qui vont te suivre, okay. Puis de les amadouer à passer à des endroits. Fait que les pellets, c'est juste comme un, tu sais, il faut que tu les prennes, mais en fait c'est plus un incitatif pour que tu fasses un certain trajet, okay. pour aller de plus en plus vite, changer de plus en plus de niveau. C'est vraiment malade. Si vous pouvez vous le procurer, je pense qu'il est PS4, Xbox One. Il est sur Steam. Ouais, c'est ça. Puis vraiment, vraiment un très bon jeu. Et c'est le jeu le plus récent de Pac-Man. On a passé au travers. Phew! Tabarnouche. C'était long, ça? Ouais. Mais on a vu, c'est pas la consistance. Non, très peu, très franchise. Peu. On a vu que c'est pas compliqué, créer une garde l'original. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ben, ça. C'est parce qu'il y en a qui veulent, ils comprennent que ce qui rend Pac-Man spécial, c'est la mécanique du jeu. Ouais. Tandis qu'il y en a qui essaient juste d'exploiter la franchise. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'est en clonant des affaires qui marchent de l'heure. Puis, quand tu fais pas quelque chose pour les bonnes raisons, ouais. Ça donne pas un beau résultat. C'est vrai, ça. Du temps. Je mets le moral, hein. pour une ouais. fois, Rétro Nouveau, on a une morale. C'est beau. Et sur ce fait, tu vas montrer des produits dérivés qui sont pas toujours faits pour les bonnes raisons. Parlant d'exploiter la franchise. Là. Donc, je vais commencer par il y a deux séries animées de Pac-Man. Oui. Il y a Pac-Man The Animated Series, qui était un dessin animé traditionnel, dans le sens... dessiné traditionnellement le samedi matin. Ah ouais, ça ça jouait le samedi matin. C'est produit par Hanna-Barbera. Oui, hein. Qui ont ça fait, a le look, en le look, hein. Puis pour le réseau ABC. Il y a eu 44 épisodes en tout, c'est des demi-heures, puis ça a duré deux saisons, de 1982 à 1983. Donc c'est le premier dessin animé basé sur un jeu vidéo. Ça raconte les aventures de Pac-Man et sa femme, Pepper Pac-Man. Je sais pas si c'est Miss Pac-Man qui a un autre nom. On en avait parlé tantôt. Ou si, Ah non, tu en avais parlé? Ouais, c'est pendant la pause. Pendant la pause, on en parlait. Ouais. Puis leur bébé, Pac-Baby. Oh, wesh. Il se rase. OK. Il fume dans le lavabo. Ah non, mais c'est un boucan là. Non, mais il met de l'eau chaude. Chaude. C'est comme la scène que Homer Simpson, il se rase, puis ça revient tout le temps. Ouais. Donc, ils ont aussi leur bébé, Pac-Baby, un chien qui s'appelle Chum Chump. Ce qui rappelle les chiens dans Super Mario, les Chump. Puis, ils ont un chat qui s'appelle Sourpuss. Puis, ils vivent à Pac-Land. Ah ouais, le chien, il est rond. Ah, il est beau, le chien. C'est drôle qu'il se rase. J'aimerais ça qu'il se laisse pousser à la barbe. Eh ouais, cette grosse barbe de marde. Ça serait drôle. Pac-Lumberjack. Pac-Clochard. Puis, ils sont en constant conflit avec les fantômes qu'on connaît, là, Blinky, Inky. Pinky et Clyde, qui travaillent pour le vilain Mesmaron, qui ressemble c'est comme un crossover entre Gargamel et Darth Vader. Aïe, ça c'est evil en maudit. Puis Mesmaron, il veut mettre la main sur les Power Pellets, qui sont la principale source de nourriture et d'énergie pour la vie. Dans la deuxième saison, ils introduisent aussi Super Pac, qui c'est un espèce de super-héros qui a l'air à beaucoup s'aimer, me fait penser à Lex Luger dans le temps qu'il se prenait avec un miroir. Ah, je m'en rappelle de ce temps-là. Puis, la deuxième saison a introduit aussi son neveu qui s'appelle PJ. Ouais. Puis, PJ. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est le jeu d'arcade Pac-Land est basé sur cette série-là. Hey, elle est pas là de sa femme, hein? Ouais, hein? Elle a... Il y a un fantôme fille aussi. Ouais. Ah. Elle a l'air un peu commode. Ouais, elle est bitchy un peu. Hey, ça, c'est le monon qui a sa moustache molle. Eh ouais. Oh, man. Moustache molle. Ça fait que c'est ça pour la première série. Ça va l'air le fun. Puis ensuite, je vais vous parler de Pac-Man and the Ghostly Adventures. Oui. Mm. Donc, c'est une coproduction japonaise, canadienne, américaine en images de synthèse, produit par 41 Entertainment, Arad Productions et Bandai Namco Entertainment pour le réseau Disney XD en Amérique du Nord. Le producteur principal de cette série-là, c'est Avi Arad. Avid Arad. Hey. C'est qui Avi Arad? C'est X-Men. C'est Monsieur Marvel. Quasiment. Monsieur Marvel, en fait. C'est Monsieur Marvel en dehors du Marvel Studios. Fait que tous les vieux films de Marvel, les premiers Spider-Man, les X-Men, mais même dans le temps, les premiers Punisher, Fantastic Four, puis tout ça, dans les années 90. Les premiers Punisher. Ouais. Le monde se sont souvent fâchés contre Avi Arad. Ouais. Puis, il a produit Double Dragon aussi, le film. Oh, ouais. Non, c'est lui qui fait toutes ses affaires cheesy. Puis, je pense que Marvel Studios, ils s'assurent qu'ils se tiennent loin des films Marvel Studios. Donc, la série a duré 3 saisons, de 2013 à 2015. Puis c'est quand même. Ben, je l'écoute avec mes enfants, puis c'est bon. Très bien. Oui. Puis, c'est à propos de Pac-Man et ses amis Spiral et Cylindra, qui vont à l'école Maze High School à Pacopolis. Puis ils protègent la ville des fantômes qui viennent du Netherworld après que Pac-Man ait accidentellement brisé le sceau qui les empêchait de sortir. Fait que c'est de sa faute. En quelque sorte. Tout est de sa faute. Mais tu sais, là, j'ai vraiment simplifié ça parce que ça a l'air bien compliqué. Là. C'est comme un animé japonais avec bien des affaires qui se passent. Les fantômes peuvent prendre possession des corps des citoyens, mais seulement temporairement. Les fantômes sont aidés par le vilain Dr. Buttocks. Un fantôme savant fou. Nice. Puis, j'aimais mieux l'autre, là, Gargamel Vader. Pac-Man, il y a aussi des amis fantômes là-dedans qui ont juré de l'aider en échange de pouvoir revenir dans le monde des vivants. Oh. Pac-Man cherche aussi ses parents disparus depuis longtemps. Puis ça, c'est... Quoi? On dirait que c'est comme un truc récurrent. Il y avait une série de Sonic aussi où est-ce que cherchait ses parents disparus. Il jouait du rock puis il cherchait sa mère. Sonic le rebelle. Ouais, Sonic le rebelle. Sonic le rebelle. Ils se jurèrent de retrouver sa mère. Oh my god. Est disponible sur Netflix pour vivre des, des déceptions. Mais je pense pas, non. Mais écoute au moins l'intro, sérieux, ça vaut 100$. Là. Ouais. Ça va faire comme « Oh my God! » Pourquoi ils ont fait ça? Évidemment, comme on a parlé tantôt, il y a eu plusieurs jeux vidéo basés sur le show, incluant un Undress Runner pour mobile qui s'appelle Pac-Man Dash. Ouais. Ainsi qu'un platformer 3D sorti sur pas mal toutes les plateformes génération précédente et de consoles et platformer 2D sur 3DS. Donc, c'est pas mal ça pour Pac-Man and the Ghostly Adventures. Ouais. Là, je vais vous parler de ce que vous attendez depuis le début du show. Oui. Les céréales Pac-Man. Ah. Ah. Sont bonnes. Ah. Oh, regarde la boîte, c'est pareil comme dans le garde-manger quand j'étais petit. Colin. Okay. Moi, là, je mangeais toutes les boules. Pis, ça sentait bon. Je gardais guimauve pour la fin. Ouais. Puis là, ton lait, il est rose. Là, je tiens à mentionner que ces guimauves-là, c'est les choses les plus atroces que tu peux mettre dans ta bouche. Non. C'est dégueulasse. Quand tu pognais un gros jaune, là, c'est comme des Lucky Charms. Ouais, mais c'est ça, c'est comme des Lucky Charms. Donc, la meilleure C'est moins sucré que des Lucky Charms. Ben ça, en fait, c'était des Corn Pops avec des Lucky Charms. C'était exactement mais les boules, moins sucrées que les Corn Pops. Ils sont très génériques, là. Ce qui fait que ça balance mieux, je trouve. Ouais. Les Charms, tout est sucré. Ouais. Puis ça, c'était pas tout C'était moins sucré. Mais puis là, regarde, ils ont introduit des marshmallows de Miss Pac-Man. Ouais. Parce qu'au début, il n'y en avait pas. Ouais. Parce que aussi, au début, dans les Smarties, il n'y avait pas de bleu. Ouais. Il y a une époque qu'il n'y avait pas de Smarties. C'est vrai. C'est vrai, il y a une grosse pub là-dessus à l'époque. C'était fou, comme là. Il explosait partout puis on capotait là-dessus. Fait que voilà, même affaire pour notre ami Pac-Man. Fait que tu sais, si un jour, veux, là, tu m'as convaincu, Dom, si t'empognes une boîte, genre complete sealed, on la rouvre puis on y goûte ensemble. Ah ouais, au WEC, là, pour déjeuner. Ouais. Donc, c'est l'eau céréales, puis là? Un maître japonais ancien en fumée qui sort, qui nous anéantit. Mange ton arme. Ça goûte les fossiles. Donc, elles sont parues pour la première fois en 1983. C'était composé de guimauve ayant la forme de Pac-Man, Blinky, Inky et Clyde. Et comme Dominique l'a mentionné, il y a une nouvelle version plus tard qui rajoute les guimauves de Miss Pac-Man et des Super Pac-Man, qui étaient en fait juste des Pac-Man plus gros. Ah oui. Ah. Puis, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des gros. C'est pour le jeu Super Pac-Man. C'est ça. Chris, je ne savais pas. Puis parfois, ça contenait des concours pour gagner des Ghost Jumper Hats. Oh. Ça, c'est des prix. Pac-Man Game Watch ou même une arcade. une vraie arcade Pac-Man. OK, ça, c'est malade. Et la version mini. Donc, c'est une arcade Super Pac-Man. Ouais. Puis, ouais. Un mini, je l'avais, ça. C'est Coleco. Ouais. Hey, ça, c'est traumatisant. Un gros Pac-Man qui tient un enfant. Ouais, hein? On voit rien. Là. Ouais, il y a clair qu'il y a du caca dans ses culottes. Il y a comme pas de pantalon. Il veut s'en aller, là. Ah, il a l'air tout nu, ce Pac-Man-là, en plus. Ouais, c'est... Ah ouais. Ouais, mais... Il est heureux. Check, il a la langue comme... Mais moi, je pense pas qu'il y a rien de pervers dans cette image-là. Tu sais, c'est... Non, hein. Pac-Man, il a l'air trustable, je trouve. Ah oh, ouais, il est trustable. Non, tu le trustes pas. Ah, il est louche. Je pense que le pénis est sorti, mais il est collé dans sa croupe, là. vers l'arrière, comme une queue de chien. Puis on le voit pas. Fait que t'es en train de dire que Pac-Man est un chimère, genre, c'est ça? Ouais, oui. Bon. Ah oui, ça peut oser, là. Hermaphrodite. Donc, le concours s'est terminé le 31 août 1984. Belle conclusion! Merci, Mario. Merci de nous ramener. J'avais 5 ans. Donc, c'est ça pour les céréales. Malade. Ensuite, je vais vous parler de Pac-Man The Board Game. Ah. Hey, j'en ai trouvé un dans une vente de garage un moment donné. Je l'avais. Wow. Je l'avais, ce jeu-là. Puis la conne, elle voulait me vendre ça 30$. Je disais, come on. Colin. On est à Saint-Joseph. C'est une vente de garage. Ah ouais. On va te le prendre pour 5. Là, elle avait 10 ans. Elle ne voulait pas. Non, c'est une madame. Quelle conne. Quelle conne. Tu sais, il fallait qu'elle achète des médicaments pour ça. Son fils malade. Ouais. Kicker son stand. Ah ouais, j'aurais dû le renverser à la table. Table flip. Comme le meme sur Internet. Eh oui. Flip. Donc, c'est Pac-Man The Board Game. Il est paru en 1982. Oh. Le jeu permet à 4 joueurs de jouer en même temps. Donc, le but, c'est de manger des packs d'ots, comme dans le jeu vidéo. Et quand tu manges un Power Pellet, tu peux renvoyer un fantôme à sa case départ et tu gagnes 2 points. Si un autre joueur utilise un fantôme pour te toucher, il t'en renvoie à la case départ et tu perds 2 points. Donc, pour gagner, il faut accumuler le plus de points possible. Je sais pas, il y a eu combien d'enfants morts suite à avaler des petites baies. Ouais. Ben, c'est écrit de 7 à 14 ans. Ouais. Ça, c'est comme les Hungry Hungry Hippos. Hein. Ouais. Tu perdais tout le temps toutes les petites baies ton corps. C'est drôle parce que c'est ça. T'avais pas le courage d'aller mettre les mains dans la toilette pour les ressortir de là après. Bon, ben, flush. Non, on flush. Ouais, donc, j'ai pas... Pas grand chose d'autre à c'est dire. C'est drôle parce que c'est écrit The Family Version of the Arcade Game. Mais non, mais sérieux, je l'avais ce jeu-là, puis c'était quand même intéressant, tu sais, mais c'était compliqué les règlements. Tu sais, que tu parlais des points, tu sais, débité, moi je l'ai eu, j'avais pas 7 ans. Là, mais les petits bonhommes, les. Puis leur mettre dans la bouche, sprites, ça va pas être évident. Sont gros, puis sont le fun. Ouais, c'est le fun. C'est très mais, beau. La bouche, il y a comme une mâchoire là-dessus. Ouais. Puis tu le mets sur la baie. Puis ça le mange, puis ça va dans le Pac-Man. Puis en haut, il y a le trou que tu vides dans ton espèce de petit. OK. Ta petite, c'est bien fait. De pochette à des pas pochettes, mais le petit caille. Réceptacle. Un dépotoir. Non, un dépotoir. Un réceptacle. Un réceptacle. Puis non, mais intéressant en fait. Donc, c'est ça pour le board game. Puis là, je vais vous parler des gommes ballons Pac-Man. Oh! Puis ce qui est intéressant avec les gommes ballons Pac-Man, c'est que un peu comme les gommes X-Men puis les gommes Spice Girls, il y avait des collants à collectionner à l'intérieur. Ah. Wow. Donc tu pouvais toutes les collectionner, puis c'est comme des petites bandes dessinées. Là, j'ai l'air un peu comme les Bazooka Joe. J'ai l'air d'un vieux, là, mais j'en avais de ça. C'était malin de regarder un peu. Là, oui. Je sais pas si tu vois le rouge et le bleu. Là, tu l'effet que ça avait. Là. C'était comme, vraiment très comme beau. Comme notre logo de Rétro Nouveau. Hein, ouais. Inspiré là-dessus. Exact. Ils nous ont tous copié Switch, Pac-Man. Tout. C'est ça. Dans les coins en arrière. Donc, c'est ça. C'était les gommes, les collants à collectionner. C'est beau. Puis, c'est très beau. Prochain thème, c'est le mini-jeu. Ah, ben oui. Hey, on l'a au bord chez Arcade Montréal. C'est les boîtes à lunch. Mais j'ai pas le thermos. Ouais, on a la boîte à lunch, mais on a pas le thermos. Mais ça, c'est beau. Il y en a eu plus qu'une boîte à lunch, mais celle-là, c'est celle que je pense qu'on voit le plus souvent. Ça vaut la peine de payer 7$ l'entrée, rien que pour venir voir ça. Mais ça. Faut y toucher, même. C'est donc ben puis, on peut y toucher. Oh ouais. Ok. Il est menaçant, Pac-Man, mais si tu regardes les fantômes, ils ont pas la mauve. Chienne, là. Les il fantômes est en train de manger live, là, tu sais. Ils mangent, là, ben, comme sans mais aucun. Là, le c'est rose, cruel, là. Et ça, il n'y a vraiment aucune expression il dans sa face. Il n'y a pas d'émotion, là. Il est là pour manger. Il dit, suis rendu ailleurs. Regardez, c'est... Mais regardez le design de ses yeux. C'est deux Pac-Man inversés. Ouais. Ouais, ça a pogné. C'est fort. Ça n'a pas coûté cher de stencil. Ah non. Hey, c'est beau, là. C'est magnifique. Mais c'est ça, c'est là que tu vois toute la peur dans les yeux des fantômes. Il y a même de la sueur. C'est triste, quand même. Des larmes ou je sais pas c'est quoi. C'est clair qu'il garde le rose pour la fin. Genre, il va pas le manger de suite, tu sais. Il va comme le licher. Il va le garder dans son sol. Exact. Licher un petit peu. Dans son sol, fait un genre de tube là, bleu, là, comme dans le niveau. Ben la tuyauterie. Puis ensuite, j'ai. Ouais, le mini-jeu d'arcade de Coleco qu'on a parlé tantôt. Pas jouable. Papa Cassette, t'en avais un, mais il l'a vendu. Ouais. Puis il fonctionnait plus. Je l'ai vendu. Tu regardes-tu? En fait, je l'avais. Martin l'a réparé. Il fait une apparition. Élie l'a brisé. Ouais. Je l'ai vendu à Jake Dion. Ouais. À sa blonde, Astrid. Ouais. Pour sa fête. À Jake. Puis je savais pas qu'il était brisé. Fait que je l'ai appris quand il m'a appelé. Il m'a dit qu'il était brisé. Ouais. Fait que je l'ai ramené puis je l'ai vendu defect pour une graine du prix. Finalement. Fait que je l'ai eu à perte. Ellie m'a fait perdre de l'argent. Ellie, toujours brisé tout. Puis l'image d'après, c'est que ça l'a fait un caméo dans un épisode de Knight Rider. Malade. Oh, nice. Avec David Hasselhoff. Wow. Ça a dû coûter une fortune plugger leur produit. Qui se place de même pour faire avoir une conversation? David Hasselhoff. David Hasselhoff. Qui d'autre? Le Hoff. The Hoff. Qui est parfait. Puis le dernier item, c'est des figurines Coleco à collectionner qui sont... Ils sont vraiment laid, mais... Ils sont-tu comme des schtroumpfs, là, en genre puis, de résine? Puis là, je sais pas si j'avais mis une autre image, mais non, quand tu les vois en vrai, ils sont vraiment pas bien définis, ils sont vraiment dégueulasses, là. ils sont comme jaune marde, là, puis jaune marde. Puis on dirait qu'ils ont été imprimés en 3D par une imprimante 3D de chine. Ouais. Une imprimante en coton. C'était sûrement fait à main à l'époque. Fait que, ouais. La badge du vendredi soir est tout le temps plus... Donc, c'est pas mal ça pour les produits dérivés. Wow. C'était pas mal beau. C'est sûr qu'il y en a une tonne qu'il y en d'autres. Il y a toutes sortes de bébelles et d'affaires, mais je pense que ça, c'est pas mal les plus connus. Dont les Amiibo. Ah, est-tu beau, il y a qu'un peu cet Amiibo là. Attends, on va te mettre dans la full screen, Bruno. Ouais, lui, il est beau. Il est beau. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, celle devant toi. Pac-Man, il a fait un glorieux comeback dans Smash Wii U. Moi, j'aime bien jouer avec. Je trouve que. Ah ouais? Ils l'ont bien fait. Je l'aime bien, moi aussi. Ses attaques sont intéressantes, là, puis il est le fun à jouer. Ouais. All right. Il est fort. Je pensais qu'il était pas bon. Bah oui, il est bon. Non, il est bon. Il est agréable. Il est plus le fun à jouer que Megaman. Ouais, Megaman ils l'ont vraiment raté. Mais ils l'ont fait Megaman comme Sanes, fait qu'il est stiff. Ouais, je sais pas. Pas terrible. En tout cas, anyway. Hey. Sur ce, je dirais à tout le monde. C'était la méga couverture, Pac-Man. C'était la méga couverture. Il y avait du matériel. Il y avait du stock à tabarnouche. On va faire d'autres spéciaux. Là, cette fois-ci, on voulait découvrir tout ce que Pac-Man avait sorti en carrière. Finalement, c'est Mongol. C'est mon gars. Et c'est pas très bon. Ouais, pour la plupart. C'est inégal. Ouais. Mais beaucoup inégal. Là, ben, c'est ça. Je pense que 1 sur 4 là, qui est intéressant. Ouais, tu te rends compte que l'original, c'est ça qui est mieux. Ah oui. Le chat qui vient voir. Tu sais comment il est chaud, tu finis. Faut aller chier. Je venais licher les plats Doritos comme d'habitude. Tabarnak. Fait que c'est ça, fait qu'on va faire d'autres spéciaux comme ça. Si jamais justement vous avez des idées ou des souhaits, vous pouvez nous les transmettre. Ça nous fait toujours plaisir de lire ça puis de voir ça. Aussi, je tiens à dire aux gens qui peuvent nous écrire à info@retronouveau.ca. Yes. Vous pouvez faire comme certains fans. C'est comme recevoir une lettre par la poste. On aime ça. Exactement. On aime ça beaucoup. Ouais, puis les gens prennent comme un peu plus le temps. Tu sais, sur Facebook, c'est très rapide. Puis là, ils prennent le temps de le faire, puis c'est le fun. Puis quand c'est bien, bien le fun, on vous lit en ondes. C'est vraiment cool. Oui. On aime ça. Puis c'est ça. Fait que continuez Facebook. On est très, très, très actifs. Vous allez voir, il me semble même de ce temps-là, on est pas mal plus actifs qu'on l'a jamais été. Yes. Puis c'est ça. On vous revient dans deux semaines avec un épisode régulier. Régulier. Pas trop de travail cette fois-ci. Là. Ouais. deux gros épisodes fort, en deux semaines. Là, on est dû pour un épisode cet été de. Oh, ouais, on va être ça simple, là, dataïste. Pour la quatrième fois. On a-tu parlé de dataïste? Hey, dataïste! Chris, oui! Une fois par année. Rien de bon dans dataïste. Ouais, c'est tellement décevant. Aïe, aïe, ben c'est ça. Puis moi, je voulais vous montrer un truc parce qu'en fait, il y avait le créateur de Pac-Man, il a dit que si tu mets ton doigt dans ton oreille, comme ça, puis que tu le montes de haut en bas, ça fait le bruit. Waka, waka, waka, waka, waka. Mais faites-les pas trop fort, ça peut me faire mal, par exemple. Ben non, tu l'essayes. Essayez-le voir. C'est dégueulasse. C'est le fun, il me semble. Moi, je trouve que ça fait rien. Tu l'entends pas? Moi, je l'entends pas.